vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Jimmy Thibodeau viendra clarifier ce qui cloche chez la gauche politique dans Gauche à Bévue. Et Marc-Olivier Dumas zigzagera à gauche et à droite du but dans sa chronique Sport et Flushé. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 14 novembre 2017 à 164 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, je m'appelle Tania Baudin. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières, en Mauricie. Encore une fois, ce matin, c'est frisquet, mais moins qu'hier. J'ai sorti le gros manteau, pas. Oui, moi aussi, j'ai fait ce petit changement-là d'hier à aujourd'hui. On a-tu regretté de porter juste une petite veste? Bref, bienvenue à cette émission matinale en pièces détachées. Un gros plan pour vous aujourd'hui. On est mardi, donc on a plein de gens. On a Dominique Notmavungu à 8h30 pour sa chronique Voix d'Afrique. On va survoler un petit peu Instagram, les sports, la culture. Il y en a tellement les affaires. Donc Voix d'Afrique à 8h30. Ensuite, 9h, Gauche à Bévue avec Jimmy Thibodeau qui, lui, nous déboulonne un mythe de la gauche. Donc quelque chose que la gauche fait qui est pas correct, même si lui, il est de gauche. Oui, qui était absent la semaine dernière, on se rappelle, mais on a été très, très triste de la chose. C'est bien triste, ouais. Mais j'ai bien hâte de voir de quoi il va nous parler ce matin. On va venir en force! À 9h30, Marc-Olivier Dumas, lui, avec Sport et Filoché. On parle de sport universitaire, de sport locaux, provinciaux, nationaux, internationaux. On parle de Jeux olympiques aussi avec lui. Bon, ça, c'était à 8h30. Ta collègue s'en vient, Tania Zgalantutania, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Je vais vous parler d'activité un petit peu, parce que bon, là, le temps se refroidit. Alors, on se demande peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire. Hier, je vous ai parlé de livres. C'est pas tout, la lecture. Il y a autre chose, si vous voulez faire autre chose. C'est qu'un début. C'est ça. Alors, ce matin, je vous parle d'autres activités, vous allez voir. Tout à l'heure dans Tania is gonna entertain ya avec des chroniques maison autour de ça. On va peut-être essayer quelque chose de nouveau d'ici la fin de l'émission aussi. On verra bien le temps qu'on a. Mais on débute avec un petit peu de musique. Même si tout s'écroule autour de vous, que vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, hein, ça peut arriver. Ben faites-vous en pas. On est là pour vous divertir tous les matins seulement. On écoute Cherry Cherry. Voici Tragédie en tuxedo. Parce que tout est dramatique. les tragédies en tuxedo. Assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de se lisser des choses. Mm-hmm. Comme ça, voici son foutu palmarès. C'est évidemment la chronique où on liste des choses sur un sujet, mais dans un ordre plus ou moins précis. Mm-hmm. Simple comme ça, rien de moins complexe que ça dans la vie, je pense. Je pense que oui. C'est vraiment cool. Bref, aujourd'hui, on parle de Weird Al Yankovic. Est-ce que tu connais Weird Al Yankovic? Non. C'est celui qui fait des parodies de chansons de Michael Jackson à la place d'être Beat It, c'est Eat It. OK, oui. Tu sais, il y a des gros cheveux frisés. Oui. Ouais, bon. Bref, il y a des musiciens qui ont refusé de se faire parodier par ce Weird Al Yankovic, donc on va en parler aujourd'hui un petit peu. Enfin, on a une thématique musicale aujourd'hui. Ça fait 40 ans, en fait, que Weird Al Yankovic envoie les parodies sur les ondes, que ce soit avec ses vidéoclips où il est costumé, ou que ce soit avec des chansons qu'on entend des fois sur Internet, entre autres, surtout. Il ressemble un peu à l'ex de Katy Perry, là. Ah, oui, oui, oui. L'humoriste, là. Oui. Dont le nom m'échappe. Bref, il a fait Like a Surgeon au lieu de Like a Virgin. Il a fait White and Nerdy. Il a fait Eat It, comme j'ai dit, et Amish Paradise. Donc, évidemment, le premier amendement américain accepte qu'on fasse des parodies. Il n'est pas obligé de prendre la permission des artistes originaux pour parodier leurs chansons. Mais par courtoisie, si on veut, par respect, il demande quand même la permission. Et des fois, ben, il reçoit des noms. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. As-tu trouvé son nom? Je suis en train de chercher. Je n'ai pas terminé. Katy Perry. T'as peur. J'ai plein de photos là, avec lui, là, mais ouais, c'est juste qu'il ne me donne pas son nom. Voyons, Colin, qu'on n'est pas vite. C'est pas Russell quelque chose? Ah oui, Russell Brand. Voilà. Merci. Russell Brand. Travail d'équipe. Donc, oui, ça ressemble à Russell Brand. T'as raison, c'est les cheveux frisés. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bref, vous savez certainement c'est qui. Vous allez juste taper Weird Al sur Internet, vous allez le trouver et vous allez vous dire: ah ben oui, pourquoi est-ce que je savais pas son nom? Ouais, c'est ça. Un peu comme nous avec Russell Brand. Pareil. Bref, Paul McCartney a refusé. Weird Al voulait parodier la chanson des Wings, The Live and Let Die, mais Paul McCartney a refusé. Il voulait faire Chicken Pot Pie. Tu vois, je comprends un petit peu. Chicken Pot Pie, c'est drôle. Non, mais que Paul McCartney a refusé. Peut-être, peut-être. Mais bon, Paul était quand même gentil. Il a dit: j'aimerais bien ça que tu fasses ça, mais faudrait pas que ça parle de poulet parce que je suis végétarien. Je voudrais pas encourager de manger du poulet. Sinon, tu peux le faire Tofu Pot Pie, si tu veux. Oui. Mais ça fit moins bien avec Live and Let Die. Ouais, c'est moins bon. Bref, Weird Al joue quand même quelques petits morceaux de cette chanson-là pendant ses performances devant public, mais ayant pas encore eu la permission de McCartney pour l'enregistrer. Ensuite, Eminem a refusé. En 2003, Weird Al voulait faire une parodie. Il voulait faire Couch Potato sur son album Poodle Hat, la chanson qui était une parodie de Lose Yourself du film 8 Mile, chanson qui a été qui est gagnante, oui, aux Academy Awards. Donc Eminem a donné la permission à Weird Al de parodier la chanson, mais le rappeur lui a refusé la permission de l'utiliser comme single et d'être le centre d'un vidéoclip. Donc il pouvait faire la parodie, mais pas le vidéoclip et pas choisir ça comme single. Bref, il trouvait ça correct de faire la parodie, mais il pensait qu'un vidéoclip de Weird Al allait défaire un petit peu la chanson ou même l'historique de Eminem. Ça allait faire que les gens allaient le prendre moins au sérieux qu'en tant qu'artiste hip-hop. En réponse à ça, le porte-parole de Interscope Records, Dennis Dennehy, a dit de la part de Eminem que c'était une chanson importante pour lui, un chef-d'œuvre, que ça lui dérange pas qu'il fasse la chanson, mais qu'il veut pas que ça change la perception que les gens auraient de l'image derrière la chanson. Il voulait s'assurer que tout ça reste intact. Ensuite, c'est quand même à respecter, là, quand même. Ouais, quand même. Ensuite, Prince a refusé d'être couvert par Weird Al Yankovic. Pendant les décennies de la carrière de Weird Al, Prince a été un des artistes qui n'a jamais laissé Weird Al parodier ses chansons. C'est pas parce que Weird Al n'a pas essayé, hein. Il a essayé de faire une parodie de Kiss et 1999 depuis les années 80 sans succès. La personne qui a toujours dit non depuis le début, ça a toujours été Prince. Ah ouais? Il l'a pas approché depuis 20 ans, évidemment, depuis ce temps-là, il est mort. Oui, hein? C'est ça. As-tu dit en 2014? Ouais. Il aime juste pas les parodies. Il aime. Ah. Ouais, Prince. Ensuite, Jimmy Page. Mm-hmm. Ouais, un grand fan de la musique de Weird Al, quand même. Le guitariste Jimmy Page a refusé la permission de Yankovic pour changer donc une chanson de Led Zeppelin en polka, en medley de polka. Oh mon Dieu. Ouais, donc Page a permis à Weird Al de faire une parodie de Black Dog dans la chanson Trapped in the Drive-Thru de Yankovic, qui est une parodie en fait de la chanson de R. Kelly Trapped in the Closet. Donc il y a un petit bout là-dedans de la chanson Black Dog. Yankovic a dit au Toronto Sun que c'est quand même un grand coup d'avoir réussi à se faire accepter pour au moins avoir un petit extrait de Black Dog dans la chanson, vu qu'ils laissent personne faire rien avec leur musique habituellement. Ensuite, toujours sur la liste des musiciens qui ont ou des artistes qui ont refusé que Weird Al Yankovic fasse une parodie de leur chanson, on continue avec Coolio. Coolio. Weird Al a reçu la permission de Interscope Records pour faire une parodie de Gangsta's Paradise. Le rapper Coolio n'a pas donné son consentement à Yankovic pour écrire la parodie Amish Paradise. Après les Grammy Awards en 1995, Coolio a parlé contre la parodie en disant « J'aime pas ça, ma chanson est trop sérieuse, j'apprécie pas qu'on défasse ma chanson comme ça. » Il dit que sa compagnie lui a demandé sa permission et il a dit non, mais ils l'ont fait quand même. Donc Interscope Records qui est passé par-dessus notre ami Coolio. Mais il dit, selon Yankovic, que tout ça c'est un gros malentendu. Deux personnes différentes de son étiquette de disque à Yankovic lui ont dit qu'ils avaient personnellement parlé à Coolio. Mais bref, finalement, il y a eu une petite mésentente, un petit quiproquo, comme on appelle. Ça arrive. Ouais. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, la parodie, ça tombe dans les règles de l'utilisation sous le premier amendement. On a le droit de parodier quelque chose. Amish Paradise a donc été enregistré. C'est devenu un succès monstre en 1996. Coolio s'est plus tard excusé à Weird Al au sujet du malentendu. Que c'était stupide de faire ça de sa part. Une des choses les plus stupides qu'il a fait dans sa carrière, dit-il. Quand même. Ensuite, Michael Jackson, on a parlé tantôt que sa plus célèbre chanson, si vous connaissez Weird Al, vous connaissez probablement Eat It, la parodie de Beat It. Donc Michael Jackson a donné la permission à Weird Al de faire un spoof, donc une parodie de Bad et Beat It en Fat et Eat It, respectivement. Le roi du pop, par contre, a refusé la permission qu'a demandé Yankovic en 1991 pour faire une parodie de Black and White. Michael n'aimait pas vraiment ça parce qu'il pensait que Black and White était une chanson à message, donc il n'était pas confortable avec une parodie de cette chanson-là, ce que Weird Al a complètement compris. Yankovic a écrit dans Rolling Stone que même s'il n'a pas enregistré le spoof, la parodie qui était Snack on Light, tu vois qu'avec Michael Jackson, il y avait des parodies de bouffe, il la performe devant public une fois de temps en temps, comme c'est pas, les règles sont pas les mêmes. Effet amusant, nous dit-on, Michael Jackson partage un crédit de co-écriture avec Yankovic sur la chanson Eat It, donc il a participé à la parodie de sa propre chanson. Michael Jackson, ça me surprend. Ensuite, Weezer, en 1996, Weird Al a inclus plusieurs chansons alternatives pop-rock dans un medley de polka, dont on a parlé tantôt, on l'a approché, le petit sujet. La chanson s'appelle The Alternative Polka. Au départ, il avait inclus un petit bout de la chanson très très connue de Weezer, Buddy Holly, mais ensuite le band a changé d'idée. Buddy Holly, en fait, par Weezer, était à l'origine dans The Alternative Polka, et en fait, elle était complètement enregistrée, ils allaient faire le mix final, ils ont reçu un appel des gérants de Weezer. Apparemment, l'auteur de la chanson Rivers Cuomo, ça c'est celui avec les grosses lunettes noires, là, qu'on aime bien, a décidé, pour peu importe la raison, qu'il voulait pas que sa chanson soit dans le medley du tout, donc à la dernière minute, après que les remerciements aient même été imprimés sur le livret du CD et de la cassette, donc avec entre autres Buddy Holly, ils ont été obligés de couper physiquement la chanson dans le medley, donc ils l'ont vraiment coupé dans les enregistrements pour pouvoir plus que faire un mix sans ça. Il dit « Ça me déprime vraiment parce que c'était vraiment cool dans The Alternative Polka. » Yankovic a plus tard ressorti une version démasterisée qu'il appelle « Démixée et démasterisée » de la section de 23 secondes en ligne. Et vous pouvez vous la procurer gratuitement ou encore simplement écouter l'émission matinale en pièces détachées qui va vous la faire jouer tout de suite. Quand même. Donc, le bout que vous allez entendre est la version, l'extrait coupé de Buddy Holly. C'est vrai que ça sonne bien, j'aime ça. Un très bon petit bout quand tu fais la chanson, bien sûr. Ensuite de ça, il nous en reste deux petits derniers dans la liste des musiciens ou artistes que Weird Al Yankovic a demandé s'ils pouvaient parodier et qui ont refusé. Donc en 2006, Weird Al voulait faire une parodie, et là, ça, là, je la connais pas, là, d'une chanson de Daniel Powter, Bad Day. Avec moi la non plus. Ah, and you had a bad day. Ouais, c'est ça. Et il voulait faire You had a bad date. Très fort. Ouais, ça aurait été très, très bon. Vraiment, mais l'artiste a refusé la permission de Yankovic pour l'enregistrer. En tout cas, au début. Et ensuite, littéralement, le jour avant l'entrée en studio pour enregistrer White and Nerdy, son album, ils ont reçu un appel disant qu'ils avaient changé d'idée et qu'ils voulaient le faire après tout. Ouais, c'est ce que Yankovic a dit au Toronto Sun. Et il a dû lui informer. L'informer Daniel Powter que le train avait quitté la station. Oh non! Il avait déjà fini, il avait plus. Trop tard, tu n'as pas changé d'idée. Ha! Mais c'est le fun, ça, quand tu peux remettre ça là, dans ta face! Ouais. Et pour terminer, Atlantic Records en général. Après avoir reçu l'accord de James Blunt, si on le connaît, pour faire une parodie de You're Beautiful, Weird Al a enregistré et prévoyait sortir le spoof You're Pitiful comme premier single de son album Straight Outta Linwood en 2006. Par contre, l'étiquette de disque de Blunt, Atlantic Records, est arrivée et a refusé l'utilisation de la parodie parce qu'il pensait que ça allait nuire à l'image de James Blunt. Hey, c'est pas Eminem, là. Mais non. C'est pas Michael Jackson, non, non, non. Non plus. C'est James Blunt. Bref. Weird Al a plus tard sorti son spoof White and Nerdy. Donc, c'est un spoof de Camille Lennon et sa pièce Ride In. Comme premier single à la place, et puis il a sorti You're Pitiful en ligne gratuitement, tu vois. Cool. Encore une fois, bam dans ta face. Yep. Il dit qu'il y a une longue historique de respecter les souhaits des gens. Yankovic, c'est ce qu'il a dit à NPR. Donc, si James Blunt lui-même avait fait objection, il n'aurait même pas offert sa parodie gratuitement sur son site web, étant donné que c'est juste les habits, les gens haut placés, la haute direction, tu sais, là, ceux qui prennent les décisions. C'est pas grave. Il s'est dit, je vais mettre en ligne quand même. Quand même. Donc voilà, pour Weird Al et Yankovic. Et je me fais plaisir ce matin. Je sais que c'est une chanson très, très connue qu'on va entendre. On va entendre du Lord. OK. Mais en parodie, parce que j'adore ce qu'il en a c'est fait. C'est merveilleux. On va écouter notre ami Weird Al Yankovic avec sa parodie Foil tout de suite à son âge requis. I never seem to finish all my food. I always get a doggy bag from the waiter, so I just keep what's still unchewed, and I take it home, save it for later. But then I deal with fungal rot, bacterial formation, microbes, enzymes, mold and oxidation. I don't care, I've got a secret trick up my sleeve. I never bother with baggies, glass jars, Tupperware containers, plastic, cling wrap, really a no-brainer. I just like to keep all my flavors sealed and tight with aluminum foil. Never settle for less. That kind of wrap is just the best to keep your sandwich nice and fresh. Stick it in your cooler. Eat it when you're ready. Choose a refreshing herbal tea. Lovely. Oh, by the way, I've cracked the code. I figured out the shadow organizations and the Illuminati know that they're finally primed for world domination. And soon you've got black helicopters coming across the border, puppet masters for the new world order. Be aware, there's always someone that's watching you. And still the government won't admit they fake a whole moon landing. Thought control race, psychotronic scanning. Don't mind that, I'm protected cause I made this hat from aluminum foil. Foil. In case an alien's inclined to probe your butt or read your mind. Looks a bit peculiar. Seems a little crazy, but someday I'll prove there's a big conspiracy. Boum! Je savais que ça devenait dark à la fin, ça parle d'Illuminati. Ouais, et mais c'était excellent. Vraiment le fun. Pour vrai, je ne peux plus entendre la chanson de Lord sans entendre Aluminum Foil. En tout cas, c'est de même depuis vraiment longtemps. Là. Mais quand même, c'est sur c'est par Weird Al Yankovic, bien sûr, qu'on a entendu ça. Et c'est sur l'album Weird Crimes. Il y a de nombreuses très bonnes parodies là-dessus. Entre autres, il y en avait une qui commençait en ce moment. C'était, c'était celle de... Comment t'appelles ça, là, le gars? Là? Ça, là. C'est quoi déjà? Je me souviens plus. C'est Robert quelque chose, ouais. Robert Fay. Comme 3 secondes à la fois pour pas... Ouais. C'est quand même, c'est fou. Correct. Voilà, donc Weird Al Yankovic qu'on adore. Toujours dans son foutu palmarès, j'avais dit que j'avais une thématique musicale. Oui. Donc on continue dans le même domaine avec 10 chansons, 10 énormes succès qui ont failli ne pas être utilisés, ne pas être diffusés. Oh! Intéressant quand même, alors ça pourrait être difficile d'imaginer un monde hein, sans Shake It Off par Taylor Swift. Ouf. Hein, comment s'entraîner sans ça, hein? Comment voir, comment t'appelles ça? Peinturer dans les coins ou faire des sports sans écouter Marvin Gaye, hein? Pour te donner un petit beat, hein? Bref, je sais pas. Bref, c'est 10 chansons qui ont presque jamais sorti. Commençons par Kiss par Prince. Oh! Et en fait, je pense qu'on va quand même se gâter avec au moins l'écouter en arrière-plan. Ouais, moins, un petit extrait. Ça, quand même. Donc, Prince, à l'époque, a écrit la chanson Kiss pour un band de funk de Minneapolis Maserati. Après que lui et le band aient collaboré sur la chanson, Prince a fini par le sortir en tant que single sur son album Parade de 1986. Et apparemment que Prince a dit au producteur de Maserati « It's too good for you guys. No! » »« C'est trop bon pour vous autres. » Et j'adore donc, ça. Il l'a pris. Il a dit « I'm taking it back. » Ben, exactement ça. Le légendaire de Prince, qui s'appelle David Z, a dit « I'm taking it back. » L'étiquette de Prince n'a pas aimé la chanson parce qu'elle était trop minime, trop minimaliste. Oh, ouais. Mais Prince insistait que la chanson allait être un succès. Il a dit « That's the single and you're not getting another one until you put it out. » C'est le single, t'en auras pas un autre avant que toi-même tu le sortes. David Z a se rappelle donc que Prince a dit ça à l'époque selon Sound & Sound. Kiss et c'est rendu numéro 1 du Billboard Hot 100 et a plus tard reçu un Grammy Award. Et la qualité, toi. J'ai l'impression d'être ma mère. L'artiste préféré de ma mère quand elle était adolescente. Pas pire, hein? Prince. Étant donné que ça fait partie d'une thématique et j'entends dire que quand c'est une thématique, on a le droit de jouer des gros hits. Mm-hmm. Fait que, on va écouter du Taylor Swift. Oh mon Dieu! Avec sa chanson Shake It Off. En background. En 2014, Taylor Swift était surtout une vedette de la musique country. Ben oui, ben oui. Mais son cinquième album, 1989, était très, très différent, beaucoup plus pop. Et son étiquette, Big Machine, aimait pas tellement ça. Ah oui? Tout le monde avait peur du changement de formule, ouais. Je pense que tout le monde a eu peur. Ouais, tout le monde a peur du changement. C'est ça, je pense ça, que ouais. Souvent, c'est quand même c'est souvent ça, normal ouais. Parce que c'est du changement que t'aimes. Exact. Il y a pas vraiment de sens. Donc, les gens, l'étiquette aimait pas ça. Et selon MTV, l'étiquette est allée jusqu'à à bloquer la sortie de 1989, ouais, dont son premier single, Shake It Off. Mais Swift insistait que la pop était la direction qu'elle voulait prendre. Donc, même après avoir gagné ce combat et d'autres batailles par rapport à la couverture de l'album et même le nom de l'album, Big Machine a essayé de convaincre Swift de sortir quelques chansons country sur 1989 pour que ses fans ne soient pas fâchés de la transition du country à la pop. Et Swift a refusé. Il a dit « Si tu mets n'importe quoi sur l'album qui ne sont pas supposés être sur l'album, les gens vont voir au travers de ça. Ils sont pas stupides, surtout les fans de musique. Mm-hmm. » Je suis d'accord avec elle. C'est vrai, c'est bien vrai. Shake It Off s'est amené jusqu'au numéro 1 du Billboard Hot 100 et est resté sur les charts, les palmarès pendant 50 semaines consécutives. C'est son plus gros single jusqu'à maintenant. J'aurais aimé arriver sur le refrain, mais on va écouter un bout de coupé à la place. C'est sûrement mieux d'écouter le refrain. Avoue que tu t'entraînes là-dessus. Non, pas vraiment, non? Mais... Je l'écoute parfois. Ça arrive. Je dois l'avouer. Tu sais, au moins, c'est de la bonne pop, quand même. C'est merveilleux pour passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Brasse-toi un petit peu, là. Débarrasse-toi de tes problèmes. Exactement. On a tous besoin de ça. En ce moment. Maintenant, on passe à notre ami, nos amis des Rolling Stones, en fait. Oui. Le classique « I can't get no satisfaction ». En 1965, Keith Richards était l'artiste, était en train d'enregistrer, en fait, la traque de guitare en plein milieu de la nuit quand il s'est endormi. Oh, okay. À la guitare, j'imagine. Lorsqu'il a entendu l'enregistrement plus tard, il a entendu deux minutes de riff acoustique de guitare. et ensuite lui qui ronflait pendant 40 minutes. Ah, c'est écrit dans son livre Keith Richards in His Own Words. Donc il a amené un des riffs à Mick Jagger et l'appart a commencé à composer une chanson pour aller avec. Le riff est éventuellement devenu I Can't Get No Satisfaction. Et si Richards avait pu avoir les choses à sa façon, ça aurait jamais sorti en tant que tel. Richards détestait pas mal tout de Satisfaction. Il pensait que ça sonnait un petit peu trop comme une chanson folk. Okay. Et que ça ressemblait à Dancing in the Street par Martha and the Vandellas, qui était un gros succès à l'époque. Il a considéré donc l'enregistrement comme une démo non terminée et ne voulait pas la sortir. Heureusement, les autres membres des Rolling Stones ainsi que leur gérant et leur ingénieur sonore savaient que la chanson était un hit et I Can't Get No Satisfaction s'est rendu au numéro 1 du US Billboard Hot 100 et les UK Singles en 1976. J'imagine qu'il était content. Ça doit. C'était pour les Rolling Stones et justement, je viens tout juste de mentionner Dancing in the Street par Martha and the Vandellas. On peut en entendre un extrait, même si c'est pas dans la liste, parce que moi, ça me dit absolument rien. Désolé pour l'arrêt. Moi non plus, ça me dit pas tant. L'arrêt sous d'accélération. On sait c'est quoi? Donc, justement, la prochaine sur la liste, c'est une chanson de Martha and the Vandellas qui est la pièce Jimmy Mac. Ouais, donc un des succès de la fin de leur carrière, Jimmy Mac, qui aurait dû sortir beaucoup plus tôt, en fait. À l'origine, enregistrée en juin 1964, cette chanson-là parlait donc d'une femme qui espérait que son homme revienne avant qu'elle tombe en amour avec quelqu'un d'autre. Tiens, j'espère que mon homme va revenir avant que moi je tombe en amour avec quelqu'un d'autre. C'est merveilleux, j'adore ça. C'est Jimmy Mac. Donc, le contrôle de la qualité de Motown. Motown, étiquette de disque. Oui. Donc, le quality control. Ils ont décidé de dire non à ça. Et la chanson a passé les deux prochaines années, les deux années suivantes, à ramasser de la poussière sur une tablette. La raison pour laquelle la chanson a été mise aux oubliettes n'est pas claire. Certains spéculent que c'était parce que la chanson sonnait trop similaire à celle des Supremes. Bon, ça va bien. Ouais, c'est ça. D'autres croient qu'elle a été retirée parce qu'on pensait que la guerre au Vietnam allait donner à la chanson une certaine dimension politique. Mm. En 1966, la chanson a fini par sortir sur l'album Watch Out. Et ça a commencé à avoir beaucoup de traction sur les radios locales. Selon la légende, le fondateur de Motown, Berry Gordy Jr., a entendu la chanson, s'est dit « Get this thing ready to go out right away, this is a damn hit record ». Préparez-vous à ce que ça sorte tout de suite, c'est un maudit gros hit. C'est sorti en single en 1967, c'est rendu jusqu'au numéro 10 du US Billboard Hot 100. Plusieurs historiens de la musique croient que son succès a rapport avec la même chose qui a empêché sa sortie précédemment, c'est-à-dire la guerre du Vietnam. Billboard a dit ça, entre autres, que la chanson a résonné principalement à la fin des années 60, alors que les filles partout au pays suppliaient leur Jimmy Mac de revenir de la guerre avant que quelque chose de pire arrive, comme sa mort. Ben oui! Ce qui est déjà pas mal plus respectable qu'avant que je tombe en amour. Qu'il y avait juste le remplacer. Mais bon, Jimmy Mac, hein. Elle dit « Je deviens pas de plus en plus forte, je peux pas me retenir très très longtemps. J'espère ne pas rencontrer quelqu'un d'aussi gentil que toi ou quelque chose comme ça. » Jimmy Mac et de Martha and the Vandellas. Ensuite, prochaine pièce sur la liste, des chansons qui sont presque jamais sorties. Vous allez la reconnaître très facilement par ses premières notes. C'est bien sûr Nirvana avec Smells Like Teen Spirit. En 1991, lorsque Kurt Cobain jouait le premier riff, bien sûr qu'on connaît très bien, de la chanson Smells Like Teen Spirit pour le bassiste Chris Novoselic et le batteur Dave Grohl. Hein, on le connaît. Novoselic croyait que c'était super ridicule comme riff. Ouais. Et Grohl aimait pas ça du tout, du tout. Donc le band a travaillé un petit peu le riff pour le rendre différent, bien sûr, jusqu'à temps que tout le monde l'aime. Et Grohl était toujours pas convaincu. Il se rappelle avoir dit « This is such a Pixies rip ». Ça ressemble beaucoup trop aux Pixies, a-t-il dit en 2011 à la BBC. Ça a presque été jeté à la corbeille. Oh. Ouais, parce que ça ressemblait trop aux Pixies. Après quelques semaines à travailler sur la chanson, Nirvana l'a enregistré. Ils ont sorti ça comme single sur leur album Nevermind à la fin de 1991. C'est devenu un succès instantané. Numéro 6 au Hot 100. C'est devenu l'hymne de nouvelle génération et on l'écoute. Nirvana et Smells Like Teen Spirit. Ah, c'est plate de devoir l'arrêter pour continuer. Je sais. Hein? Donc, la prochaine, vous allez quand même l'aimer, elle aussi, j'en doute même pas, c'est par Metallica. Une autre qu'on va reconnaître dès le début, d'après moi. Oh. La pièce Nothing Else Matters par Metallica. À l'origine, Nothing Else Matters n'était pas supposé sortir. En fait, c'était une chanson très très personnelle que le chanteur principal, lead singer et le guitariste James Hetfield, a écrit au début des années 90 pour sa copine de l'époque. Il jouait la chanson pour elle au téléphone pendant qu'il était en tournée. Ouais. Lorsque le batteur Lars Ulrich l'a entendu, il voulait sortir ça comme une chanson de Metallica. C'est la chanson que tout le monde trouvait qui était le moins Metallica, qui avait le moins de chances d'être jouée par nous. Donc la dernière chanson que quelqu'un voudrait entendre de Metallica, une chanson pour moi-même dans ma chambre en tournée pendant que je déprimais parce que j'étais loin de la maison, a-t-il dit, Hetfield. Je suis reconnaissant que les gars m'aient forcé à la sortir de mon lecteur cassette et faire de ça une chanson de Metallica. Metallica avec Nothing Else Matters. La prochaine va changer, mais complètement de style, parce que c'est celle dont je parlais pour les amateurs de sport de lit. Comment on l'appelle? Peut-être moins celle-là que d'autres de lui. Ah non, pas moins. Je me disais, c'est moins pire que Let's Get It On, non? Ouais. Ah, même chose. C'est donc What's Going On de Marvin Gaye. Après avoir été témoin de brutalité policière et de violence pendant une manifestation anti-guerre dans le People's Park, qui est un parc à Berkeley en Californie, les auteurs Al Cleveland et Ronaldo Obie Benson ont écrit la chanson de manifestation What's Going On. Alors, à l'origine, où c'était supposé être pour le groupe de Benson nommé The Four Tops. Ils l'ont refusé parce que ça parlait d'un sujet qu'ils ne voulaient pas aborder dans leur chanson. C'est un sujet trop pertinent, ouais. J'imagine, ouais, trop politique. Donc la paire a plus tard offert What's Going On à Marvin Gaye, qui a sauté sur l'opportunité d'enregistrer la chanson malgré les manifestations. Oui, c'est une chanson de manifestation et Berry Gordy Jr. a manifesté. Donc yeah. Gordy a dit « Marvin, sois pas si ridicule, tu amènes les choses trop loin ». Marvin Gaye ne s'en est pas fait avec ça. Il l'a retravaillé, a réenregistré What's Going On, l'a représenté à Gordy, qui a dit que c'est la pire chose qu'il avait jamais entendue dans sa vie. Il voulait pas la sortir. Gaye a menacé de ne jamais enregistrer une seule autre chanson pour Motown, l'étiquette de disque, à moins qu'il puisse sortir la chanson. L'étiquette de disque a éventuellement réussi à la sortir sous l'étiquette qui est comme une sous-étiquette de Motown qui s'appelle Tamla Records. Et c'est devenu un succès, bien sûr, sur le Hot 100 en 2011. Et Rolling Stone l'a mis au numéro 4 des 500 meilleures chansons de tous les temps. Donc Marvin Gaye avec What's Going On. La prochaine sur la liste des chansons qui sont presque jamais sorties et une chanson qui fait pas très assez fou, hein? C'est une chanson de U2. On parle de la pièce Where the Streets Have No Name, selon Rolling Stone, le magazine, alors que U2 travaillait sur leur album de Joshua Tree, The Edge, membre du groupe, hein, pas du tout prétentieux, The Edge. C'est plus un documentaire qu'un vidéoclip, ça. C'est un peu agressant. Est-ce que le clip commence plus tard? Non. Donc, The Edge a décidé de composer l'ultime chanson en direct de U2. donc devant public. C'est de là qu'est venue l'idée « Where the streets have no name ». Ou en tout cas, certaines parties, nous dit-on. Selon le bassiste Adam Clayton, The Edge avait le début et la fin de la chanson, mais il n'avait pas le milieu, la crème. Donc, il passait des heures et des heures à essayer de trouver quelques petits changements d'accord pour réussir à faire la transition entre le début et la fin, quand même. Et ces heures-là commençaient à peser vraiment sur le producteur Brian Eno. Eno qui a décidé que tout le monde serait mieux si un accident était arrangé. Donc, ils ont essayé d'arranger un accident pour effacer les enregistrements de la chanson, même si certaines personnes ont suggéré qu'il y avait d'autres motivations derrière ça. Rolling Stone cite le producteur Daniel Lanois, qui aurait dit que Brian croyait que s'il pouvait effacer les cassettes, qu'on pourrait arrêter de travailler là-dessus. Mais c'est sûr qu'il aurait trouvé une autre chanson, qu'il aurait réenregistré tout ça, c'est évident. Bref, pendant ce temps, Eno dit qu'il pensait qu'arranger la chanson allait être beaucoup plus rapide s'il pouvait redémarrer à partir de zéro. Donc d'un côté ou de l'autre, il n'a pas réussi à effacer les cassettes. Certains témoins disent que Eno a presque dû être retenu de force par l'opérateur des rubans. Et éventuellement, le vidéoclip a gagné un Grammy et la chanson est devenue un classique devant public pour YouTube. On s'entend que c'est pas mal épique comme chanson, c'est grandiose. Ça fait chanson de film, ça fait... Bref, Where the Streets Have No Name par U2. Il nous en reste deux sur la liste des chansons qui sont presque jamais sorties. La prochaine est par notre ami Bob Dylan. La pièce Like a Rolling Stone. En 2011, Rolling Stone, le magazine, a nommé Like a Rolling Stone de Bob Dylan comme la meilleure chanson de tous les temps. C'est une des chansons qui a le plus influencé les gens de la discographie de Dylan. Ça lui a gagné un prix Nobel de littérature dans les dernières années. En écrivant pour le New York Times, Sean Considine, qui était le coordonnateur des nouvelles sorties chez Columbia, a dit qu'on l'a presque laissé sur la tablette. Selon Considine, la chanson était un succès parmi les artistes et par le département des promotions, département du répertoire, donc j'imagine les gens qui s'occupent de la discothèque. Mais les ventes et le département du marketing, eux, avaient un point de vue différent. À un certain niveau, ils étaient contre le rock and roll. Même si le problème, nous dit-on, était plutôt la durée de 6 minutes de la chanson. Donc les haut placés voulaient couper la chanson en deux. On va entendre un petit bout du refrain avant de continuer. C'était une période de changement chez Columbia, donc Considine explique que le single devait passer de Immediate Special, donc à chanson spéciale à sortir immédiatement, à Unassigned Release, donc sortie à déterminer, si on veut. Donc c'était dans les limbes, comme on appelle, que ça allait bientôt être abandonné, sans doute, dans le bac des disques ou des sorties annulées. Considine prend ensuite le crédit. Il prend le crédit pour avoir sauvé la chanson, disant qu'il a pris... la Studio Cut, donc la version de 6 minutes, l'acétate, les rubans. Il a amené ça à un club de Manhattan où tout le monde a absolument adoré. Au club, il y avait deux des animateurs de radio les plus puissants de New York qui ont demandé s'ils pouvaient avoir l'album pour pouvoir le jouer. Tu vois, des stations d'influence avec des animateurs qui animent. Hein? Bref, Columbia a accepté. Ils ont séparé ça, la chanson, en deux. 3 minutes d'un côté. Du 45 tours et 3 minutes de l'autre côté. Les DJ ont répondu en remettant les deux côtés ensemble, tu vois. On leur dira pas quoi faire. Donc la chanson de 6 minutes séparée en deux et ensuite remise ensemble. La chanson au complet a été diffusée au monde entier. Lorsque le single est sorti peu de temps après, c'était la version complète et la révolution de la musique avait commencé. Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Il en reste une dernière dans cette liste absolument géniale de chansons qui sont presque jamais sorties. On se fait vraiment plaisir, même si ça allait être un petit peu beaucoup, beaucoup pop, vraiment. Vous allez les reconnaître dès les premières secondes, si vous écoutez un petit peu la télé ou les publicités. Très récent, quand même. Quand même. je sais pas pour très, mais quoi, 3-4 ans, 5 ans. Ouais. Bref, c'est la pièce Somebody That I Used To Know par Gauthier featuring Kimbra. Selon l'auteur, compositeur, interprète Gauthier, qui est australien en passant, Somebody That I Used To Know était une chanson difficile à écrire et à enregistrer. Il a eu le syndrome de la page blanche, il a foncé un mur, si on veut, pendant qu'il était en train de l'écrire. Il n'était pas capable de finir son histoire. L'histoire sur une mauvaise rupture qu'il essayait de raconter dans sa chanson. Il a écrit le premier couplet, le deuxième couplet, ensuite il s'est rendu à la fin, le premier refrain, puis bon, pour la première fois, il s'est dit, il n'y a aucune façon intéressante d'ajouter quelque chose à cette histoire-là. Gauthier, son vrai nom est Walter de Baker, ou Walter de Baker, bref. Il a dit qu'il trouvait sa chanson très faible. Ah ouais. C'est pas la chanson la plus catchy au départ, mais non, quand tu l'entends vrai. Plus qu'une fois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment à répétition qu'à 30 ans. Ben, déjà, elle est très redondante. Ouais, mettons. Bref, il a travaillé fort, il a réussi. Il y a eu un autre petit problème, par contre, pendant l'enregistrement. La personne qui devait faire la voix féminine, qui est une personnalité connue, apparemment, a été bookée pour la session d'enregistrement, mais elle s'est désistée à la dernière minute. Il n'a pas réussi à trouver quelqu'un d'autre. Il a même essayé sa copine pour les voix féminines, mais il n'a pas réussi à capturer le côté amer de la chanson, ce que la chanson demandait. C'est ce qu'on dirait que le bac, la musique est heureuse. Les paroles sont tellement rough. Tellement, c'est rare, ça, je trouve. Ouais. Bref, il était très près de la poubelle, du panier de recyclage avec cette chanson-là. Il s'est dit peut-être que c'est pas supposé arriver, maybe it wasn't meant to be, mais que l'album était quand même bon sans ça. Évidemment, on n'a pas entendu aucune autre chanson de Gauthier, en tout cas moi non. Bref, à la recommandation de son producteur, Gauthier a amené la chanteuse de la Nouvelle-Zélande, Kimbra, pour enregistrer la chanson. C'est devenu un succès massif, plus de 7,9 millions de copies aux États-Unis. Tu sais que moi, quand il y a du xylophone dans la chanson... Là, tu tripes! Je tripe bien raide. Et j'aime le vidéoclip aussi très coloré. Oui. Bref, très, très, très coloré. Vraiment. Gauthier featuring Kimbra avec Somebody That I Used To Know. Je pense qu'on pourrait, dans les prochaines secondes, entendre Kimbra. Un petit peu. Au moins, quand même. De Gauthier featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know. C'est super pop, c'est vraiment pas si fou. Mais c'était dans la thématique. Oui. Et on a le droit vu cette thématique. Exactement. On a envie de se faire plaisir à la fin. Oui. Je pense un petit peu. Je pense que ouais. Je pense qu'on peut se le permettre. On peut se le permettre. C'est le genre de chanson qu'on entend une fois de temps en temps assez fou. Donc voici Bob Dylan et Like Rolling Stone. À ça. Dressed so fine, threw the bums a dime in your prime. Didn't you? People called, say beware, doll. You found a fool, you thought they were all just kidding you. You J'avoue, ça aurait pu être une bonne idée. Aller chercher un café pendant la chanson. Ouais, c'est, ouais. Mais on adore quand même Bob Dylan avec sa chanson Like a Rolling Stone dans Assemblage requis. On prend une pause au retour. L'émission continue puis jusqu'à 10h. Fait que, tu sais, restez là puis arrêtez pas. Écoutez tout le temps, c'est fou! Hein? Oui, il oui, faut! Assemblage requis. C'est fou, 89.1 FM. 89.1 FM. Toujours à Assemblage requis en ce mardi matin 14 novembre 2017. Elle est Tania Beaulin. Et Mathieu Blanc. Ok, oui. Dans quelques minutes, je pense qu'on va pouvoir se lancer dans ta chronique Tania is Good Entertainment. Ouais, ouais, ouais. Mais avant ça, on écoute un petit peu de Pierre Quenders. Oui. Il est fin. Ben oui. C'est comme notre vie. C'est sucré-salé. C'est, doux, c'est pareil. Doux et amer. Là. Oui. Bittersweet mornings. Il y a du bon, il y a du mauvais. Hein, on sait jamais trop. You take the good, you take the bad. Facts of love.

sec, coudon, coude à côté, qu'est-ce qu'on fait donc? À qui quitte canate à kimono, se bat à coup de bâton, batter, kilosé, en cabinet dans la salon, quelle heure est-on? L'avance à reculons, s'assoit dans nos fitons, puis putain, des pitons, Pokémon, puzzle, Pokémon, nos souvenirs, des cassettes, de s'ouvrir, nos souffrettes, cassons du pigé, des manettes, y est du snow, y est du star, on se compte un corbillard pour décoller du vélo! J'ai brûlé jusqu'au genou. Histoire. tire le coyote avec tes bras comme une muraille, précédé de canailles avec je suis brûlé, un petit bloc folk thématique. Mathieu, on me reconfirme que oui, on peut faire deux ménages dans l'année. Tu sais, oui, les gros ménages. On a le droit. Un printemps, puis un à l'automne. Est-ce qu'il faut demander un permis pour? Non, pas de permis, mais ça dépend de votre personnalité. Ah. Si vous êtes du type à pas vouloir faire des gros ménages dans votre vie, non seulement dans votre maison, mais dans votre vie aussi, ben un ménage correct, mais deux. C'est mieux. C'est beau. Ah, tout ça. Ah, c'est la poésie québécoise. On a besoin de musique aujourd'hui encore. Oh, mon Dieu, oui. Voici Trash Tracy's et Seabank. trailer Trash Tracy's avec Sibencas. Cette pièce me manque. Oui, moi aussi. Feu c'est des bon, palmarès. C'est excellent. Vraiment bon. Autour de la pause, Dominique Notte-Mavungu va être avec nous. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt dans ta chronique Voix d'Afrique, Dominique? Donc, tantôt, on va parler un peu de quelques faits de société. Mm-hmm. Et on va parler un peu de la SAP. La SAP. De la SAP, je vous dirai c'est quoi. Oh! C'est votre sac? Non. La SAP ou le de sac? De la SAP. C'est drôle. Et aussi de télénovelas. Oh, des téléromans. C'est ça, qui cartonnent sur le continent. Génial. Et d'autres choses aussi. Super, on retourne dans Voix d'Afrique. Restez là. À sondage le qui. Pour toi aujourd'hui. À sondage le qui. C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. À sondage le qui. Vous êtes de retour dans l'émission Assemblage Requis, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Dominique Mavungu s'en vient. Il va finalement démystifier le fait que la SAP, c'est pas la SAC. Non, c'est pas la SAC africaine. Ça a aucun maudit bon rapport. Aucun rapport, Tania. Aucun rapport. Donc, c'est la chronique Voix d'Afrique. Mavungu qui est là pour Voix d'Afrique. Ça rime avec Dominique, hein? Dominique Voix d'Afrique. J'aime ça quand ça rime. C'est vrai? Ouais. Ben, c'est ce qu'on me dit. Cue. Cue. Cue. Bref, Dominique qui est là pour nous parler de tout ce qui se passe en Afrique dans plusieurs domaines. T'es toujours très, très varié. On aime bien ça. On adore ça. Par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va commencer par la SAP. Ah ah! Je savais. Non, c'est vrai. T'as bien convaincu, ça veut dire sac. Mais mal prononcé, ouais. Ça? C'est ça. Non, pas tout. C'est juste pas sérieux. C'est quoi le P? Société des alcools produites. Produites en Afrique. C'est ça. C'est ça. Ouais. Non. C'est la SAPA. Non, ça, pas du ça tout. Passe ça du tout. Ça passe ça du tout. Non, c'est pas ça. Oh. Mais c'était mais pas loin. Ah, je suis pas loin? Non, mais non. Non, je rigole, t'es pas. C'est très loin. Non, je vais vous parler de la SAP, donc SAPE, c'est Société des personnes élégantes. Des personnes élégantes. Des ambianceurs et des personnes élégantes. Ok. Donc SAPE. Donc c'est un mouvement qui a pris forme au Congo. Mm-hmm. Donc ça a été au niveau de la colonisation, c'est parti de là parce qu'il y avait les personnes qui travaillaient dans les maisons avec les colons et tout. Comme employés, aimaient leur style en fait, aimaient comment les personnes s'habillaient et tout, et c'était principalement des Africains. C'était un style occidental, tu vois. Ouais. Et nous, les Africains, dans la culture, on aime beaucoup aussi le tissu, beaucoup un peu les vêtements. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à adopter ce style-là. Comment est-ce que tu décrirais leur habillement? J'ai dit, dépendamment. Chic. Dépendant parce qu'il y a deux écoles, tu vois. Il y a d'autres qui sont très, très chics. Et il y a d'autres qui sont dans le paraître, c'est-à-dire au niveau des couleurs. Donc, ils utilisent beaucoup des couleurs vives. Ouais. C'est du vert, du jaune, du rouge. Que les personnes. Bon, c'est pas tout le monde qui accepte de porter ça réellement. Ouais, c'est ça. Et, on les voit passer souvent et j'imagine qu'ils se font regarder. Non, c'est le but. Ouais. C'est le but de se faire regarder. Donc, ça, le mouvement, il a commencé au Congo-Brazzaville. Après, progressivement, il a pris aussi le Congo-Kinshasa. Et il est remonté vers la diaspora. Donc la diaspora, les Congolais vivant en France et en Europe, parce que c'est de là-bas principalement que les vêtements viennent. Ok. Tu vois, donc ils s'habillent tout le temps chez des grandes marques européennes. Après, il y a différents. Il y a d'autres qui vont vraiment dans le paraître en achetant vraiment que du luxe. Donc pour eux, c'est les marques. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait être caractérisé par le fait que t'es riche dès le départ, non? Le paraître. Le paraître, parce que ça coûte cher. Si, ça coûte cher, mais. Tu vois, donc comment certains fonctionnaient? Bon, certains Congolais, en fait, eux, ils partaient dans des magasins. Ils travaillent peut-être en Europe, dans je sais pas quel travail ils font. il va dans un magasin, il dépose une valise là-bas. Et à chaque fois, quand il reçoit sa paye et tout, il lui dit, tu remplis la valise. Ah ouais, ok. Tu vois, donc chaque semaine... C'est comme une mise de côté. Si, si, chaque semaine, quand t'as des habits, je viens, tu mets dans la valise, tu mets juste dans la valise, tu remplis la valise. Et l'été, quand l'été s'en vient, il rentre chez lui au Congo ouais. avec deux ou trois valises que d'habits. Wow. De grandes marques et bon, oh, donc, ouais. il paraît là-bas, tu vois, avec... On n'a pas le même budget, hein. Non, mais paradoxalement, il y a... Tu vois, ces personnes s'habillent vraiment, vraiment bien, mm-hmm. mais ils vivent dans une pauvreté aussi. Oh, c'est ça, c'est l'apparence okay. d'être ouais. riche. C'est ça, riche. Voir l'apparence. Tu vois, et bon, pour certains, ils trouvent que la vie est courte, donc ils essaient de profiter en étant ouais. habillé comme... Ben c'est ça, chacun okay, ses ouais. priorités. T'sais, on peut ne pas avoir d'argent et vouloir avoir le dernier gadget. Exactement. T'sais, on fait tous ça. On peut ne pas vouloir la plus belle maison ouais. aussi. Aussi. T'sais. C'est ça, mais on prend des choix. Il y a certains qui n'ont carrément pas de maison du tout, en fait, oh, okay. avec ça, et qui ont même des difficultés à même pouvoir payer leur loyer, ni même à manger. Mais quand tu les regardes dehors, tu peux pas t'imaginer que cette personne ouais. ne mange pas et tout. Tant elle brille, quoi, de par les marques et tout. Et des budgets, des fois, il y en a qui calculent pas. C'est des vestes, ça peut vraiment monter et tout. Tu as des vestes, je sais pas si on peut citer de marques. Bah ouais, ouais, ouais. Ou Gucci et autres, donc ça va dans les 10 000, dans les 5 000 euros, ah. tu vois. C'est quand même... C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent juste pour un vêtement, tu vois, sachant qu'il n'aura plus de valeur et que tu pourras, une fois porté, tu peux pas le revendre au prix. Non, c'est ça. Auquel, littéralement, il met ça dans sa valise, puis il n'y a pas de maison autour, c'est juste c'est sa ça. Valise avec ses vêtements. Puis... C'est ça. Mais sa valise, pour combien? Oh. Eh bien, faut pas que tu te fasses voler ta valise. Mais non. Ben non. Pas tout. C'est ça. Et pas assuré, donc il y a beaucoup de, tu sais, il y a des concours au Congo qui sont organisés au niveau de ça, des concours de meilleurs sapeurs et tout, donc où, et c'est même dans le patrimoine du pays, parce que je me rappelle au défilé national, il y avait même un défilé de sapeurs. Okay. Tu oh, vois, okay. c'est dire qu'il y a aux côtés des militaires, aux côtés des policiers et tout, donc pendant un défilé d'indépendance, il y a des sapeurs qui défilent et tout, tu vois, c'est dire combien dans la culture là-bas c'est présent oh, partout ouais. et Tu peux pas les rater, quoi. Ouais. C'est drôle, pareil, tu sais, on les appelle les sapeurs, donc pour les personnes ambianceurs, élégants, je sais pas trop quoi, mais tu sais, on parle tout des sapeurs-pompiers. Fait que là, maintenant, je vais m'imaginer des pompiers bien habillés, c'est africains, ça. En train d'éteindre des feux. Exactement. Surtout que je vais entendre sapeurs-pompiers. C'est sûr. C'est le même. Non, mais c'est ça, en plus, des... Mais ce qui est bien, mais le mouvement s'est popularisé aussi au niveau de certains pays du continent. Par exemple, en Côte d'Ivoire aussi, il commence à avoir une société aussi de ça. Il y a des sapeurs aussi ivoiriens et ça se propage un peu partout. Mais après, la SAP, c'est vraiment parti du Congo, mais ça ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas vraiment élégants. C'est juste qu'en ce pays particulièrement, les gens, ils ont vraiment mis l'accent oui. là-dessus. Mais sinon, on trouve des sapeurs partout et des personnes bien habillées partout sur l'ensemble du continent. Ouais, c'est cool. Voilà. Ben, c'est une idée, tu sais. C'est chacun ses goûts. Voilà, chacun ses goûts. Je fais attention pour en abattant à Noël. Ça peut être Noël. Oui, Mathieu. Oui, effectivement. On s'appelle Noël, ouais. C'est ça. Bref. En tout cas. Prochain sujet, dit-il. Sur ce. Cela étant dit. Donc. On va enchaîner avec Somaliland. Somaliland? Somaliland, c'est un pays qui n'est pas reconnu officiellement okay. par la communauté internationale. Donc, il est issu de la dissolution de la Somalie. Parce que la Somalie, c'était la réunion de deux pays. Il y avait une partie italienne et puis l'autre partie, elle a été colonisée par les Anglais. Et donc, ils ont fait un pays réunifié qu'ils ont appelé la Somalie. Okay. Et là, depuis... quelques années, depuis 1991, donc il y a la partie anglaise s'est détachée okay. et a formé son pays qu'ils appellent la Somaliland. Donc depuis toutes ces années, là, la population elle est déjà à 3 millions et demi d'habitants et pour 137 000 pour son armée de soldats. Mm-hmm. Okay. Et aussi, ils ont un drapeau, ils ont une date d'indépendance et tout, mais seulement qu'ils ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Déjà qu'ils ont volé le nom Somalie, je veux dire, Somalie a été créée par la fusion des deux, puis là, ils se sont appropriés le nom Somalie en rajoutant un land après. C'est une région de la Somalie et ils voulaient se détacher de l'autre. Ouais. Tu vois, c'est un peu mais comme... en gardant le nom. C'est ça, c'est mais ça. Ben, ils ont juste ajouté le land à la fin. Et puis, je pense que c'est dû aussi aux nombreuses crises à répétition qui ont lieu dans le pays et tout. Et donc certains voulaient se dissocier de ça parce que tu sais, il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont menacés même par ça, où il y a une région du pays, tu remarqueras beaucoup que les régions au sud sont plus développées que les régions au nord. Tu vois, donc ça crée comme une certaine division et tout. Bon, jusque là, il y a pas d'autres exemples de pays qui sont détachés pour le moment, mais je pense que ça a dû partir de ça aussi et du fait qu'ils se soient détachés. Ça pourrait créer un effet d'enchaînement, il pourrait y en avoir d'autres. Ouais, c'est ça, parce que toutes les régions des pays ont des ressources, et généralement, les ressources sont peut-être utilisées pour la région du sud, ouais, ou bien pour une autre région, mais... Et toi, t'es plus négligé. C'est ça, donc étant donné que généralement les ressources peut-être quittent vers chez toi, donc tu préfères garder ça pour toi et dire que tu vas faire ton pays, ouais, à la place et garder tes ressources pour ton développement. On connaît tous le concept... On connaît tous le concept. Au Québec, je parle. Ah, non, mais c'est... Ben oui, ben... On va se le dire. Hein? Donc, voilà, je pense que c'est à l'échelle mondiale aussi. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça... parce que là, ils sont en plus en élection. OK. Présentement, et l'élection n'est pas reconnue par la communauté internationale. Ah, ben oui. Et, mais ils ont un président, entre guillemets, c'est ça? Qui n'est pas reconnu. Donc, ça rend difficile pour eux l'accès aux différents prêts, aux financements qui sont donnés par les banques et tout. Et leurs principaux fournisseurs, c'est les pays du Golfe. C'est l'Arabie Saoudite, le Yémen, etc. Et c'est avec eux qu'ils font affaire, c'est eux qui les approvisionnent en bétail, en hydrocarbures et autres. Parce que c'est vraiment un pays qui est coupé parce qu'il n'est pas reconnu. Donc les gens ne font pas affaire avec eux. C'est un peu compliqué pour les populations là-bas. Mais ils s'en sortent quand même bien parce qu'ils ont assez de ressources. Et là, présentement, ils ont la paix, donc c'est parfait. Et on leur souhaite que leur élection puisse bien se passer. Ben oui. Et oui, c'est ça, parce qu'on connaît l'exemple de beaucoup d'élections qui ont mal tourné. Je sais pas de quoi tu parles. Ben voyons, quelle référence fais-tu? Oh non, c'était juste une pensée. Ouais, il est pas allé encore en Afrique, hein? Non. Ça va venir, je pense. Ouais, sûrement, j'imagine. Donc, on va passer à notre prochain sujet, les télénovelas. Oh oui, les téléromans quotidiens, c'est ça l'habitude des télénovelas? C'est ça. Donc, c'est des romans qui sont diffusés, c'est principalement sud-américains, et les droits sont rachetés par les télévisions africaines pour diffuser ça à leur population. Et c'est vraiment très, très, très apprécié des Africains. Et à l'heure de 19h, il manque jamais. Ah ouais. C'est-à-dire, à 19h, tout le monde est là. Et souvent, certains sont plus suivis même que le journal télévisé. Ah ouais. Tu vois, à titre, ça fait plus d'audience que le journal. Donc, il y a plus de gens qui regardent des téléromans que des informations sur le pays. Wow. Mais c'est drôle que vous avez, l'Afrique, avez des traductions, j'imagine, des doublages de ces émissions-là qui viennent de l'Amérique du Sud, doublés ou sous-titrés? Ben c'est en français. En français, ouais, d'accord. Okay, c'est en français. Ah, vous les adaptez, donc? Oui, c'est ça. OK, on les refait. Ah, c'est bien. OK, qu'ici, on a des concepts, mettons comme District 31, des trucs comme ça, que c'est des concepts d'ici. Mais là, ce serait des adaptations de ça ou est-ce que c'est des créations africaines? Non, c'est vraiment des... Les films sont déjà tournés là-bas, on les prend juste pour les diffuser. Ouais, en fait. C'est un peu comme si on leur offrait un nouveau marché, un nouveau public. Ouais. Sinon, la base même du public qui se trouve en Afrique, en Amérique du Sud. Et donc, c'est vraiment partout sur le continent, ça fait vraiment fureur et tout le monde regarde ça. Bon, il y a eu certains débats avec ça suscite des débats parce qu'il y a certaines autorités qui trouvent que ça abrutit la jeunesse. C'est du divertissement. Ouais. C'est normal que ça existe. Ça a toujours existé, ça va toujours exister. Si, mais ouais, il y a certains qui sont un peu vieux jeu quand même, qui trouvent que la jeunesse passe trop de temps à regarder les télénovelas, ils s'identifient peut-être aux mauvaises personnes dedans. Okay. Tu vois. Il y a des vilains là-dedans. Oui. Mm-hmm. Ouais, il y a des vilains, tu vois, je peux prendre l'exemple de Ruby, tu vois, c'est une série qui parlait d'une fille matérialiste et tout, qui rencontre un homme riche, après elle le laisse, tu vois un peu le genre comme ça. C'est pas dramatique. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est en Côte d'Ivoire, et donc les populations, si les filles particulièrement, ont commencé à copier On pourrait commencer à prendre l'exemple de Ruby, tu vois, et donc du coup une fille matérialiste là-bas, on l'a surnommée Ruby. Ruby. Une Ruby. Une Ruby. C'est pas un compliment. Non, hein, pas vraiment. Tu fais pas ta Ruby. Quatre doigts remis. Non, c'est ça. Donc, du coup, donc ça s'identifie au personnage. Ça apporte quand même beaucoup de joie aussi, beaucoup de gaieté dans la vie des populations et dans la vie aussi de ma grand-mère aussi. Ah oui, ah, c'est ça, mais pour vrai. Tu sais, on connaît les feux de l'amour, les trucs comme ça qui jouent ici. C'est pas mieux, là, c'est la même chose. Mm-hmm. Ouais, c'est la même chose. Même et ça. Donc ma grand-mère, c'était aussi une grande fan là. Elle était sur toutes les chaînes, elle regardait les telenovelas, sur la chaîne en Côte d'Ivoire, sur la chaîne du Sénégal, sur la chaîne du Mali. Wow. Elle les connaît toutes. Elle les enregistre, cette machine. Ah. Elle connaît vraiment tout et on regardait ensemble. Moi, j'aimais bien et voilà. T'aimais bien, toi? Bon, je regardais avec elle okay, aussi. Okay. Il passait du temps avec grand-maman, ben, c'est correct. Est-ce que tu demandais des résumés pour savoir... t'es rendu où, tu sais? Non, mais elle me les... Jumeaux diaboliques. Elle me les donnait sans vraiment même que je demande. C'est tant de même. Ben oui, mais là, hein? Faut avoir quelqu'un pour poursuivre avec toi. Si oui. Tu dis pas ce qui se passe, c'est ça. C'est sûr. Ben, ouais. C'est ça, donc elle me disait vraiment tout ce qui se passait. J'étais vraiment à jour. Là, j'ai un peu perdu le fil, par contre. Ouais. Je sais vraiment pas quelle série fait fureur en ce moment et tout, mais... Ben, une heure par jour, cinq jours semaine, on s'entend que c'est du contenu. Il faut avoir pas nécessairement beaucoup de vie, quand même. Non. Faut avoir d'emploi du temps bien chargé. Ouais, c'est ça. Non, j'avoue, mais en fait, aux heures auxquelles ça passe, c'était 18h30, donc... Sur l'heure du souper. Ouais, sur l'heure du souper, donc tout le monde est généralement devant son poste téléviseur, tout le monde est chez lui. Et donc tout le monde regarde ça aussi, mais c'est aussi dû au fait qu'il n'y a pas aussi de concurrence au niveau local. Tu vois, il n'y a pas de séries qui sont produites par peut-être le pays même, mm-hmm. comme les telenovelas, tu vois, qui sont... C'est pas des séries à tant grand budget, mais c'est quand même bien réalisé. Ça passe à la télé, c'est acceptable. Ouais, c'est ça. Donc, c'est du fait qu'il n'y ait pas de concurrence, c'est ce qui pousse les populations à regarder ça. Parce que s'il y avait une série locale, ils regarderaient la série mm-hmm. locale qui passait à ces heures-là. Mm-hmm. Mais les heures sont réservées aux autres télévisions et tout, ben, enfin, aux telenovelas. Parce que c'est des émissions d'autres télévisions, ouais. Tu vois, de, par exemple, Globo TV et tout, c'est des télévisions en Amérique du mmh. Sud. Et donc, on les fait passer à la place à l'horreur de 18h30 où il y a beaucoup de personnes, tu vois. Mmh. Ouais, je comprends pas, ben, je comprends pas en me disant que c'est une bonne chose, mais au Québec, on a tendance à plus produire nos propres émissions en soirée. Il y a pas vraiment d'importation, d'ailleurs, dans les grands réseaux le soir... Il me semble que j'en connais pas vraiment. C'est pas mal juste des productions originales. Ouais. Ça coûte super cher, mais ça encourage le talent d'ici. J'imagine. C'est ça. Ouais. Ça encourage le talent d'ici. Et puis, ça, ben, je pense que c'est vraiment ça, puisque ça permet de... Puisque c'est à une heure où il y a une forte audience. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on aura des personnes qui vont regarder, qui vont passer du temps là-dessus et qui vont apprécier. Oui. Comme on dit, si ça joue à la télé, ça va être écouté. C'est sûr. Sur les grands réseaux. C'est comme ça. C'est sûr, sûr, sûr. Donc... Alors, on va passer à un autre sujet. Ouais. On va parler de sport. Sport. Donc, la semaine dernière, je vous parlais des éliminatoires mm-hmm. pour la Coupe du Monde Russie 2018. Ouais. Et donc là, les pays africains qualifiés ont été connus. Donc, il y a l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria. Donc, c'est cinq représentants qui vont défendre les couleurs africaines sur le continent. Mm-hmm. Et... voilà, donc malheureusement, il n'y a pas les équipes que je supportais, donc j'achèterai pas le maillot. Non, est-ce que tu as changé de camp quand même pour encourager une équipe dans ces cinq-là ou... Bon, là, j'attends quand même le premier match et tout, de voir de la Coupe du Monde. Parce que tu dois encourager les gagnants. Et l'Italie n'est même pas là. Non. Tout le monde capote. Ah, c'est ça. Ils sont bons, hein. Ah ouais, oui. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est une première. Ouais, c'est une première depuis très longtemps ouais. qui sont pas là. Donc ça a fait un peu polémique là-bas, ouais. Tu vois, quand on connaît les Italiens. Hein? Ça se fait aller la mimique de la main. Avec la mimique de la main, toujours. Et voilà, donc je vous parlais du match de la Côte d'Ivoire et le Maroc. Donc c'était un match assez décisif pour les deux équipes. Donc là, c'est le Maroc qui est passé. Mm-hmm. À l'issue du match qui s'est terminé par le score de 2-0 en Côte d'Ivoire. Donc ça a été une défaite un peu dure à accepter, dure à prendre quand même pour les Ivoiriens parce que il restait sur trois Coupes du Monde quand même, deux ou trois Coupes du Monde consécutives. Donc ils commençaient à être des participants réguliers de la compétition. Ben là, cette année, malheureusement, ça sera pas le cas. Mais moi j'ai trouvé ça en tout cas amusant de voir certaines réactions sur les réseaux sociaux des supporters et tout qui manifestaient leur mécontentement au travers de vidéos qui incendiaires quoi. Ah oui, incendiaires. qui insultait tout pas le monde. Pas des menaces de mort, toujours. Non, non, mais c'est, ouais, c'est ça. Mais tu vois, au travers, derrière un ordinateur, c'est beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent faire tout et, enfin, un peu tout et n'importe on quoi. On peut s'en permettre pas mal. On peut s'en permettre pas mal. Jusqu'au jour où on croise la personne. Et là, tu fais comme si de rien n'était. C'est ça, je pense qu'il vaut mieux quand même dans cette situation. C'est la quoi. Technique Trump encore, on y revient. Ah ouais, c'est ça. Je ne le traiterai jamais de petit gros. Ouais. Donc, voilà, donc pour les maillots, donc, en tout cas, les sélections africaines, la plupart qui avaient les nouveaux maillots Puma, donc malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été qualifiés là. Ah. Donc, le budget voilà. Est passé là-dedans, puis. Puis, je sais pas. Donc là, c'est un peu compliqué pour le sponsor Puma de voir beaucoup de ses équipes se faire éliminer comme ça. Mmh. Donc ça fait moins de représentants pour eux, et donc moins d'argent et moins de maillots. Donc moi, je suis pas sûr que je vais payer mon maillot finalement. Là. Est-ce qu'il pourrait être... Non, ça va être des articles de collection, ça va coûter cher. Les maillots... Ouais, qui seront pas utilisés pour les finales. Là, c'est... Ah ouais, c'est bon. Ils vont... ben, je pense que ça sera les nouveaux maillots de la nouvelle édition, de la nouvelle année. Ah, ok. Comme vu que chaque saison, ils renouvellent les maillots pour le sponsoring, pour le marketing et tout. Donc ça sera les maillots de cette saison. Donc il y aura quelques supporters qui vont les acheter, ouais, sans plus, mais ouais. Voilà. Pas toi. Non, pas moi. Ce sera pas ton élégant avec ton maillot fou. Hein. Non, non, non, surtout pas. Ton dandy. Non, avec ça, ça passerait mal quand même, quoi. Ouais. Un dandy avec un maillot, c'est pas très dandy. Non. Non, non, pas vraiment, c'est plus douchebag. Douchebag, ah, douche il a dit, ouais, il a dit, moi il j'ai, a pas, dit. J'ai pas dit. Voilà, c'est lancé. Ouais. Donc, ouais, voilà, on va terminer aussi sur YouTube aussi, mm-hmm. Sur certains YouTubeurs que j'ai découvert. Donc, El Hadj, c'est un Français qui s'est rendu célèbre. Bon, lui s'est rendu célèbre principalement sur Facebook, okay. Mais il poste aussi des vidéos, ils font des vidéos YouTube aussi. Donc, ils font un peu les deux, ils mettent sur Facebook, ils mettent sur YouTube, El Hadj. Qui est un Français, un Français d'origine sénégalaise, tu vois, qui est rendu célèbre avec une réplique qui dit « c'est comment » ou « c'est comment ». C'est comment. C'est comment, tu vois. Et c'est dans des situations drôles, il lâche ça tout le temps et c'est devenu populaire. Cette phrase clé, là, c'est, qu'il mettrait sur des t-shirts. Ah, je pense qu'en plus, il doit en avoir en plus. Sur son maillot. Peut-être, c'est comment, El Hadj. Donc, voilà, il est devenu célèbre par rapport à ça et... En ce moment, ça buzz beaucoup autour de ça et il est très actif aussi sur les réseaux sociaux. Donc, sa page Facebook, c'est El Hadj. Donc, si vous cherchez, vous pouvez regarder ses vidéos aussi. Et un deuxième, c'est Willem qui a fait sortir une vidéo cette semaine. C'est un Facebooker qui est vraiment très attendu. Chacune de ses vidéos, c'est des millions de vues. Oh. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est vraiment impressionnant, quoi. Je vois, c'est vraiment, il fait des millions de vues en une heure, des fois sur Facebook. Tu vois. La vidéo, elle est postée il y a 10 minutes. Il a du genre 300 000 vues. Mm-hmm. Moi, je suis comme mon ordinateur, il bug ou quoi. Ça se peut pas. Ça se peut pas, mais ça vaut quand même les millions de vues parce que c'est vraiment différent des vidéos Facebook qu'on a l'habitude de voir. Surtout vu le temps qui est alloué à ça. Et lui, réussir à mixer autant de parties, à faire une histoire assez relativement courte, mm-hmm. Sachant que les téléspectateurs ou les personnes qui regardent Facebook ne regardent pas des vidéos qui mettent trop de temps, tu vois. Généralement, plus de 5 minutes, ça commence, ça commence à être long. Donc lui, il maintient ça quand même assez court, mais le public ne les emplit pas. Et chacune de ses réalisations, c'est tellement pensé dans les moindres détails. Okay. Je vous conseille de voir. On l'appelle ça comment encore? Il s'appelle Will M. Donc W-I-2-L comme Will, Willy. Ouais. Bon, Will. Et M-A-I-M-E. Ok, donc, ouais, ça me dit quelque chose, ça, étrangement, il me semble. Ouais, c'est... On a peut-être déjà vu passer ça quelque part. Ouais, peut-être, parce que ouais, c'est fort probable, vu le nombre de vues, je pense pas que vous l'ayez raté, quoi. C'est et c'est sûrement pour ça qu'il peut se permettre d'avoir, de passer autant de temps à la création et au montage, étant donné le nombre de visionnements. Ça doit être quand même assez payant pour lui. Ouais, j'espère. Là, ouais, ça, tant mieux. C'est ça, mais ouais, on lui souhaite en tout cas. On lui souhaite en tout cas de pouvoir rentabiliser ces millions de vues-là. On est peut-être jaloux. Peut-être. Ouais. Bon, moi, je... Ouais, quand même, peut-être. Peut-être, pourquoi pas de... Un jour. Ben oui. Un jour faire... On peut suivre les vidéos YouTube de tes chroniques Voix d'Afrique sur YouTube, donc. C'est ça. Un jour. Ça va venir. Uh-huh. C'est ça, donc c'était pour Willem et on termine sur cette note avec lui. Génial. Et donc sur son Facebook, sur son Instagram, c'est Willem. Et Hadj aussi, c'est pareil. Génial, on suit tout ça et puis on te remercie. Dominique Nodemavungu. On va te retrouver la semaine prochaine, toujours, les mardis à 8h30 pour une autre chronique de Voix d'Afrique. C'est ça. Très apprécié. Merci. Merci. Merci à vous. Merci aux auditeurs. Oh oui. On écoute La Bronze avec On danse par en dedans et on revient juste après à Assemblage Requis. Tu m'as aimé dans un bain de sang. Tu nous as léché avec tes crocs coupants. Tu voulais me cendrer avec toi, mais je dansais avec Dieu déjà. Tu t'es craché dans ta gueule à toi. Tu t'es tué encore une belle fois. Je t'ai regardé te battre avec ta peau et je suis retournée. On danse par en dedans avec La Bronze. On aime ça, danser par en dedans. On adore ça. Parce que par l'extérieur, j'ai un petit peu moins de talent. Ouais, c'est ça, moi aussi. Au retour de la pause, Jimmy Thibodeau et Gauchère Bévue. Assemblage requis. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Vous êtes assez fou. l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Troisième heure d'assemblage requis en ce mardi matin, 14 novembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. T'es pris par surprise ou? Oui, oui, un peu. Pourtant, la chanson thème est tellement entraînante. Ouais, tu la reconnais pas? Sais. Tu la reconnais pas? Non. Dans quelques minutes, on va avoir Jimmy Thibodeau pour la chronique Gauchère Bévue. Plus tard, Sport et Philosophie avec Marc-Olivier Dumas. Ça sent bien. Si tout va bien, autre chose, mais on va garder ça sur la glace pour l'instant. Avant ça, on écoute Fun Forgot, tout de suite de Teen Anger. C'est 89 FM. We'll be right back.

Toujours à Assemblage Requis, en ce mardi matin 14 novembre 2017, Tania Baudin est là. Et Mathieu Plante aussi. Mm-hmm. Marc-Olivier Dumas s'en vient pour la chronique Sport et Filoché. Salut Marc-Olivier. Bon matin. Qu'est-ce que tu nous prépares pour tout à l'heure? On va parler de football universitaire parce que c'était les finales de conférence la fin de semaine dernière. Et dans quelques finales, ça a fini de manière dramatique. Je pense au Québec, je pense à l'Ouest. Donc on va parler de ça un peu. De hockey, bien sûr, soccer. Et je vous présente un autre sport d'hiver pour les Jeux Olympiques. Ah, on a hâte. On a hâte. C'est dans Sport et Filoché dans quelques instants, mais avant ça, on vient d'entendre dans la publicité qui vient juste de précéder le retour d'Assemblage Requis. Donc on écoute Octoplate, voici Héros ou Ennemis sur C'est fou. Octoplate, héros ou ennemi ce matin. Ça. Je l'adore. Hey, c'est excellent comme tune. Vraiment, là. Hein? Vraiment. T'aimes ça, toi? Oui, j'adore ça. Marc-Olivier Dumas, pour vrai, c'est son genre de musique. Hein? Ça sonne bien dans mes oreilles. Ça ressemble un petit peu à son intro, genre, pour c'est Sport vrai? Et Filoché, comme... Pareil. Merveilleux. Un petit peu différent. Ouais, un petit peu. Olivier Dumas. C'est mon nom. Sport effiloché. Je pense que j'ai crié trop fort pour les oreilles de Tania. Non, ça va, non, ça va. Okay. Donc, Marc-Olivier qui est là pour nous parler de sport, comme toujours. D'habitude, on ratisse le local, hein? Oui. Universitaire. Oui. Régional. Oui. Après ça, des fois, un petit peu Québec. On va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Canada? Oui, on va parler... Le monde? Non, vraiment national. Non. Ah! Parce que, bon, c'était les finales de conférence au football, au football universitaire. J'imagine tellement, genre, un vieux monsieur en habit avec son petit pointeur, c'est les finales de conférence. Les finales de conférence. Ben, justement, juste il finit pour... sa conférence, la grosse conférence de la fin de l'année. Okay, oui, genre. Oui. Mais en fait, juste pour vous mettre en contexte, au Canada, au niveau universitaire, il y a quatre conférences. Mm-hmm. Il y a l'AUS, donc la conférence des... Universités de l'Atlantique, donc l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Tu as le RSEQ que le monde doit celui connaître qu'on connaît un peu. Plus ici, ouais. Ça. Donc le réseau du sport étudiant du Québec. Il y a le OUA, donc l'Ontario University Athletic. Exact. Ouah. Qui est la conférence ontarienne. Et il y a la conférence du Canada-Ouest, qui est le reste, donc le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, Colombie-Britannique. Mm-hmm. Les territoires ne sont donc pas représentés dans ces conférences. Ah, ça même pas dans une des quatre. Non. À ma connaissance, il n'y a pas d'université avec une équipe. Ben, en fait, est-ce qu'il y a une université point dans les territoires? Je veux pas me lancer, donc je dirai rien là-dessus, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'université qui participe à des sports. On fait des recherches. Le UConn College, ça existe, ça? Ils ont une équipe de sport et ça va être long à chercher. Non, je ne penserais pas. Hey, de toute façon, le voyagement serait beaucoup trop intense. Ben oui. Donc, ça serait... C'est pas très réaliste pour eux avec les coûts. Et tu sais, surtout que ça doit être... S'il y a des collèges, des universités, c'est des petites universités, il n'y aurait pas les moyens de payer pour faire un déplacement. Donc, on avait trois matchs cette fin de semaine. Le quatrième aura lieu cet après-midi, en fait, à 2h, la conférence de l'Atlantique qui n'a toujours pas joué son match. Mais jusqu'à présent, on a eu des très, très belles finales. Ça l'a fini de façon dramatique à deux endroits. En Ontario, c'est un massacre. Mais je vais parler d'abord du Québec parce que ça finit de façon dramatique. Non. Le Rouge et Or qui recevait les Carabins dans une énième finale entre les deux équipes. C'est classique quand même. C'est un classique. Ouais, quand même. Et ça s'est joué sur le dernier jeu, en fait. Les Carabins de Montréal, qui tiraient de l'arrière par 3 points, avaient une dernière tentative, une passe, qui est arrivé un petit peu court finalement. Donc le Rouge et Or réussit à tenir la dernière poussée des Carabins qui ont vraiment tout tenté pour aller chercher la victoire. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Donc le Rouge et Or qui l'emporte 25-22. Ah, vous êtes un bon show quand même. Oui, oui. Faisait peut-être un petit peu froid samedi, mais ça a dû être un très très bon match pour ceux qui étaient présents. Toute une ambiance à Québec, ça c'est certain. Est-ce que la journée du moins 22, ça, samedi, dimanche? Je sens que c'était mieux que de ça hier. De? Qui avait fait moins 22, moins 23, je sais pas trop quoi. Quand? Qui a dit ça? Je sais pas, pas moi. Je sais pas. Mais tout ça pour dire, c'était tout un match entre les deux équipes. C'était un choc de titan comme on s'y attendait entre les deux équipes. Et les Carabins qui doivent s'incliner devant le Rouge et Or. Rouge et Or qui auront un rendez-vous en demi-finale canadienne face au vainqueur du Canada-Ouest. Juste avant de passer aux résultats des autres conférences, il est à noter que Montréal a porté plainte. Ah, c'est ça, je m'en allais dire. Je suis pas sûr si j'ai vu ça ou j'ai rêvé, mais c'est vrai. Oui, Montréal a porté plainte, mais en fait, ça n'implique pas le match en tant que tel. La plainte vient d'un plaqué qui a eu lieu à la fin de la première demi. Un joueur du Rouge et Or est plaqué à la tête un joueur des Carabins. Okay. Un plaqué, c'est le tackle, ça, là? Oui. Ouais. Donc, un plaqué illégal qui aurait donné une commotion cérébrale à un de leurs joueurs. Donc, on porte plainte par rapport à ce jeu-là. Ce joueur-là, on voudrait que ce joueur-là soit suspendu. Mm-hmm. Parce que ça n'a pas été mentionné, j'imagine. Il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a pas eu d'infraction à ce moment-là. Non. Les arbitres l'ont pas vu probablement. Puis, c'est pour avoir arbitré dans plusieurs sports, c'est dur. Des fois, il y a des choses qui se passent vraiment très rapidement. On n'a pas le regard à un endroit. Mais mettons qu'il y a une commotion cérébrale sur le terrain et que l'arbitre l'a pas vu. Est-ce que plus tard, tu peux revenir quelques secondes après quand quelqu'un te dit « Hey, c'est parce qu'il y a une commotion cérébrale », est-ce que l'arbitre peut faire pénalité? En fait, si l'arbitre l'a pas vu, si aucun arbitre qui l'a vu, ils peuvent pas appeler quelque chose. Il y a pas de reprise vidéo, il y a rien. Non, c'est ça. Même si c'est vraiment évident parce qu'il y a clairement une commotion, genre parce que le médecin est sur place, l'ambulance. Il peut avoir une commotion, mais ça peut être parce qu'il y a eu un plaqué légal puis qu'il est mal tombé. Ah, ouais, on peut pas pénaliser quelque chose. Je l'ai vu une fois, un arbitre pénalisé suite à un quelque chose qui s'était passé que l'arbitre n'a pas vu. C'est en 2006, à la Coupe du Monde, quand Zidane a donné le coup de tête. L'arbitre l'a jamais vu. Ouais, mais non, mais... Mais il a vu sur l'écran géant la reprise. Ouais. Mais donc, c'est ça, il y a des reprises vidéo. Est-ce qu'il y a des enregistrements vidéo? Il n'y a pas de reprise vidéo, c'est ça que je disais. Il y a des enregistrements vidéo, ouais. Et c'est sur ça que Montréal va se baser, que le Rouge et Or va devoir défendre son joueur, parce que si il est déclaré coupable, en parenthèse, ouais. Là, c'est, si on dit que oui, il est coupable de l'infraction, ben, il risque d'être suspendu pour le prochain match qui aurait lieu à Calgary. Est-ce que c'est un joueur qui serait un grand manque à l'équipe? Je connais pas vraiment ces joueurs-là. Je te dirais que je connais pas vraiment les joueurs autant des Carabins, ouais. Du mm-hmm. Rouge et Or. Mais c'est sûr que quand un de tes joueurs partant manque à l'appel, ça fait toujours mal. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il y en est pour la finale québécoise, le Rouge et Or, qui, une fois de plus, sont champions de la Coupe d'Ansmore et qui auront rendez-vous face aux vainqueurs de l'Ouest. Le match aura lieu dans l'Ouest. Mm-hmm. Justement, parlons de l'Ouest, une fin de match incroyable. C'était l'Université de la Colombie-Britannique, donc UBC, qui affrontait Calgary. Donc les Thunderbirds contre les Dinos, ça avait lieu à Calgary et la fin de match spectaculaire. UBC mène 43-41. Mmh. Il reste plus de temps au cadran, il reste juste un jeu. L'équipe, les Dinos ont le ballon, ils sont à leur ligne de 53 dans l'autre territoire. Là. Ils sont vraiment loin. On tente un placement. Un placement de 59 verges. Hé, là, là! 59 verges. Même dans les professionnels, c'est un placement qu'on considère pas pratiquement sûr, ouais. Impossible. Là. Ouais, c'est ça. C'est un placement qui est excessivement difficile. Un long shot, qu'on appelle ça. Long shot? Ouais. Pas le choix. Ouais. Rendu là, le J'essaie match... de sortir, mais très peu de connaissances dans les termes. En fait... Long shot! C'est un des... Tu sais, c'est un couteau à double tranchant, c'est... Il te reste un jeu. Qu'est-ce que. C'est ouais, quoi que qui donne le plus ça? De probabilité? Mm-hmm. Est-ce que j'ai plus de chances de réussir un placement de 59 verges ou j'ai plus de chances de réussir une passe de toucher de 55 verges? Mm-hmm. J'ai peut-être plus de chances avec le placement et justement, ça a été la bonne décision. Il l'a réussi. Aïe, aïe. Il a réussi le placement de 59 verges. Aïe, aïe. C'était. J'ai vu la vidéo, le placement ouais. A tout juste passé. Ça a dû passer de même pas un mètre par-dessus la barre. Du talent, là. Mais aussi un coup de chance quand même là, d'avoir réussi ça, non? Ben, talent je peux et... pas dire coup ben, de chance. Le gars, ouais, c'est ça, il est un batteur exceptionnel. Ouais. Je peux pas dire coup de chance. Il a peut-être été aidé par les éléments, par exemple un vent d'eau. Ouais. Ou, il a sûrement appelé son conseiller financier pour savoir des conseils sur ses placements. Wow. Quel jeu de mots. Il y a les éléments qui rentrent en compte. Là, avec un vent de face, on oublie ça. Il n'y a pas ce placement-là. Ouais, c'est ça, exact. Mais avec un vent d'eau... C'est ça un coup de chance, là, Sylvain. Ben, c'est pas un coup de chance, mais on profite des éléments pour... Mais il n'y en avait peut-être pas aussi. Il n'y en avait peut-être pas. Ça, j'ai pas tous les éléments, mais ça reste qu'il a réussi un 59 verges. Ouais. Ah, c'est fou. Hein? C'est pas loin des records. Le record que je connais au niveau de la NFL, c'est 63 verges. Okay. Donc, c'est 4 verges de plus. C'est pas tant que ça. Et le record absolu, c'est dans la NCAA, donc le football universitaire aux États-Unis, c'est 65 verges. Wow. Mais tu sais, on est quand même pas si loin du record, le 6 verges, pour un gars qui a peut-être une vingtaine d'années. Qui commence dans sa carrière. Belle petite bourse qu'il va avoir à la fin de l'année. C'est ça. Là, il va appeler son conseiller. Il a fait écarquiller des yeux, ça c'est sûr. C'est donc, clair. Il a donné la victoire aux Dinos de Calgary qui vont recevoir le Rouge et Or la fin de semaine prochaine dans le cadre de la Coupe Mitchell. C'est la demi-finale canadienne entre les deux équipes. Donc le Rouge et Or qui part favori dans ce match-là, mais on joue à Calgary devant une foule hostile. Donc c'est dur à prévoir, mais d'après moi, le Rouge et Or pourrait être en mesure de remporter le match. Une foule hostile, ah oui. Ben, quand tu joues pas à domicile, quand tu joues à Calgary, Alberta, Québec, on sait que c'est pas toujours les meilleures relations. Ouais. Donc, ça reste à voir, mais ça risque d'être un match plutôt intéressant. La troisième finale avait lieu, elle aussi, samedi. Et je rappelle que c'était le 11 novembre, jour du souvenir, donc il y a eu quelques cérémonies par rapport à ça. En Ontario, c'était la 110e Coupe Yates. Ça fait quand même 110 ans qu'il y a du football universitaire. Ou en Ontario, c'est quand même impressionnant. Ici, on est à zéro. Ici, la Coupe Dansmore... je parle de Trois-Rivières. Ah. Ouais. Ben, on a déjà eu du football universitaire. Ah, pas vrai? De 72 à 79. Je me rappelais pas, tu l'avais sûrement déjà dit. 72 à 79. Ouais. Oui, ben en fait, si tu vas au cap, tu peux voir une photo de l'équipe du passé. On avait une équipe, mais ça coûte vraiment cher. Et ils ont donc enlevé l'équipe. On a continué avec le hockey, tout ça. On tente de ramener peut-être un jour, mais pour l'instant, en fait, il n'y a pas tant d'intérêt dans cette ligue-là, malheureusement, parce que c'est tout le temps les mêmes qui gagnent à ce niveau-là, donc c'est un peu plat. En Ontario, c'était la finale entre les Mustangs de Western et les Golden Hawks de Laurier. Et c'est un massacre. Littéralement, Western qui a vaincu Laurier 75-32. Mm. Donc, il n'y avait pas vraiment de match. Match un peu plate, mais bon, c'est ça. Il y en a des de même, hein? Ça arrive, ça arrive. Il n'y a pas grand-chose à faire. Western qui a eu une très, très bonne saison. Ils sont invaincus, d'ailleurs. 8 victoires, aucune défaite. Ils ont marqué 386 points en 8 rencontres. Là, c'est pratiquement 40 par match. Okay. Contre 105 points accordés. Donc, c'est 12 à peu près par match. C'est... une vraiment une grosse différence. Western qui était grande favorite, ils l'ont prouvé samedi avec une victoire. Donc Western qui affrontera le vainqueur entre St. Mary's et Acadia qui s'affrontent dans le Lonely Bowl cet après-midi à 2h. Je sais pas trop pourquoi ça a lieu aujourd'hui. Un jour en de fait, semaine comme ça, est-ce que c'est... Mais il y a peut-être eu des problèmes avec le terrain. J'ai pas trop suivi l'actualité à ce niveau-là. Tout ce que je sais, c'est que le match aura lieu aujourd'hui. Donc, dernière finale. Après ça, c'est la Coupe UTEC entre l'Ontario et l'Atlantique. La Coupe Mitchell entre le Rouge et Or et Calgary. Donc, l'Ouest et le Québec. Et ça se termine, pas en fin de semaine, la fin de semaine prochaine avec la Coupe Vanier qui aura lieu à Calgary, si je ne me trompe pas. Cool! Donc, c'est ce qu'il y en est pour le football universitaire. Au niveau du hockey, les hommes ont eu une fin de semaine plutôt difficile. On affrontait RMC, une équipe qui, sur papier, semblait pas un gimme, mais une équipe qu'on se devait de battre. RMC, et... tu me disais, c'était le collège Royal Militaire. Exactement, on n'avait toujours pas une victoire depuis le début de la saison. Eh bien, c'est deux défaites des Patriots cette fin de semaine. On n'a pas été capable de marquer plus qu'un but par match. Défaite de 2-1. Lors du premier match vendredi dernier en prolongation et défaite de 4-1 samedi face à RMC. C'est deux défaites qui font quand même très mal. C'est deux victoires qu'on s'attendait des Patriots. Et bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Des mauvais matchs, des mauvaises sorties. C'est deux défaites difficiles à comprendre, en fait. Contre les Royals Militaires. Hein? C'est très difficile à comprendre. Quand on regarde les minutes de pénalité, on peut-être comprendre un petit peu plus. Là, 106 okay, ouais. minutes de punition du côté des Patriots lors du deuxième match. On a bombardé le filet. Probablement que le gardien était très, très solide. Là. On parle de 45 tirs du côté des Patriots contre 23. Donc, c'est pas que les Patriots n'ont pas frappé à la porte. Ils ont frappé aussi dans l'autre sens du terme. Là. Je veux dire, quand on dit 106 minutes de pénalité... C'est énorme. C'est énorme. C'est contre 67 quand même, mais c'était un match qui est excessivement indiscipliné. Et il reste un match entre les deux équipes cette fin de semaine. C'est pas terminé, donc j'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler. Ça rough un peu. Hein. Ça a brassé. On va dire ça de même, là, ça a vraiment brassé. Match qui a lieu le 17, donc vendredi. Troisième match en trois matchs. Après un match qui a brassé autant d'indiscipline, autant de rudesse, de coups salauds. Les arbitres sont mieux d'être prêts parce que ça risque de brasser un petit peu. Ouais. En espérant que les Patriots sachent se reprendre, parce que ça, ces deux défaites sont un peu inacceptables, surtout quand on considère que le Collège Royal Militaire, c'est pas une puissance du hockey, donc on s'attend à deux victoires là. Non, mais ils sont gros et grands, hein? Fait que, ah ouais. En termes de robustesse, là, oh oui, peut-être qu'on a voulu frapper fort justement pour les déstabiliser, mais ça a joué contre nous. On a joué leur jeu et on a perdu, on s'est brûlé. Ça arrive, mais... J'ai parlé plusieurs fois avec Mark Kettenberg, l'entraîneur. Il dit, tu sais, même si cette équipe-là n'a pas de victoire, ça reste une équipe dangereuse. Il n'y a pas d'équipe facile à battre nécessairement dans cette ligue-là. C'est sûr, il y a des équipes plus fortes, des équipes plus faibles, mais il n'y a pas d'équipe victoire donnée. Ouais, garantie. C'est ça. Donc, oui, RMC, peut-être plus faible sur papier, mais ça reste que les Patriots, peut-être, c'est peut-être aussi une piste de solution. On n'était pas prêts mentalement. On se disait que ça allait être deux victoires faciles, ouais. On s'est fait avoir. Donc, quand t'es trop confiant, des fois. C'est ça qui arrive. Donc, prochain match, ce vendredi, encore face à ces mêmes paladins du Collège Royal Militaire. Et samedi, c'est contre les Ravens de Carleton à Trois-Rivières. Donc, deux matchs quand même importants. Deux matchs intéressants. Carleton, ça reste un grand rival des Patriots. Donc, bien hâte de voir ce match-là. Voir comment les Patriots vont rebondir de cette fin de semaine désastreuse. Oui. Si la rumeur va revenir. On le souhaite. Après autant de défaites. Oui, oui, oui. Ben, en fait, le sport, c'est ça. Je veux dire, c'est des hauts et des bas. Des fois, t'as des très, très bonnes séquences. D'autres fois, t'as des séquences moins bonnes. c'est de voir comment tu réussis à réagir. Ouais, ben, pas juste persévérer, mais comment tu réagis à ce genre de séquence-là, parce que c'est pas toujours facile. C'est comme la vie. Hein? Ben, c'est ça. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est là que tu vois dans la difficulté de quel bois se chauffe ton équipe, comment qu'elle est, comment qu'elle va répondre, si t'as une chance d'aller loin. Parce que si ton équipe s'écrase au premier... première difficulté, ton équipe ira pas très loin. Mais si ton équipe réussit à rebondir, puis si on allait chercher une victoire de 10-11-1, ben tu sais, ça en lancerait un message. C'est comme, OK, on a eu une mauvaise fin de semaine, mais là, on se reprend. Et, le show must go on. Mm-hmm. Show must go on, show en effet. Okay, c'est une toune. Ah, OK. Oui. Tu connais pas? YouTube? Non. Non. Queen. Ah. C'est la dernière que Queen a faite. Ah, ben oui. Freddie Mercury a chanté ça sur son lit de mort. Ben oui, ça. C'est vrai, ça me revient, là. Ça te revient, t'es sûr? Oui, oui. Donc. La moustache. La moustache. Toi, tout ce que tu viens, c'est de la moustache, c'est ça? Ensuite, toujours du côté des Patriotes, c'était le premier tournoi des Patriotes au volleyball universitaire féminin, Division 2. Parce qu'on sait, ils sont en Division 2. Et c'est une entrée en matière qui a été partiellement réussie. On a très bien débuté la fin de semaine. D'abord, le premier match, vendredi, face à l'Université du Québec en Outaouais. Victoire de 3-0, 3-7-0. Donc, très, très belle victoire. Deuxième match, face à Rimouski, une autre belle victoire de 3-0. Et la troisième partie, ça a été très, très serré. Patriotes qui menait 2-7-0 avant de voir les TS revenir dans le match et remporter les 3-7 suivants. Donc, les Patriotes qui se sont inclinés 3-2, les TS qui n'étaient pas reconnus pour avoir des bonnes équipes, mais mine de rien, cette saison, ils sont premiers. 5 victoires, 1 défaite. La saison est encore jeune. Patriotes et Lucac ont seulement 3 matchs de jouer. Donc, tu sais, il reste encore beaucoup de matchs à jouer, les TS qui ont déjà la moitié de la saison de fait. Mais quand même, c'est une entrée en matière qui est respectable pour les Patriotes. C'est sûr qu'on aurait aimé ça les voir encore aller gagner tous leurs matchs, rester invaincus. Mais bon, d'une saison à l'autre, il y a des mouvements de personnel, autant du côté des Patriotes que les autres équipes. Les autres équipes se renforcent. Quand t'es invaincu, quand t'as la meilleure équipe, souvent, la seule chose qui arrive, c'est que tu peux juste perdre de la force. Ouais, redescendre. Ouais, c'est ça. T'sais, donc, c'est plusieurs choses, mais les deux équipes ont rendez-vous, une fois de plus, le 24 novembre prochain. Donc, vendredi, pas cette semaine, vendredi de la semaine prochaine, c'est voir comment les Patriotes vont réagir à cette défaite. Surtout qu'il menait 2-0. Là. T'sais, on menait 2-7-0, on l'a échappé. Bon, ça arrive, là, l'autre équipe a amené les ajustements nécessaires. Et sur un cinquième set, avec 15 points, ça va très très vite. Surtout qu'un des 3 sets a été jusqu'à 27 points. Donc, tu sais, c'était un match très très serré entre les deux équipes. Malheureusement, les Patriotes se sont inclinés, mais ils ont la chance de se reprendre dès le prochain match contre les TS, c'est le 24 novembre. Ensuite, l'UQTR affrontera l'UQAC à 10h30 le samedi 25 novembre et l'UQAR finalement à 14h30 toujours le 25 novembre. Ça va conclure la partie automnale du calendrier. Ah bon. Il va rester deux tournois en hiver, au mois de janvier, au mois de février, et par la suite ça va être les séries éliminatoires. Rapidement, en terminant, il y avait une course de cross-country. Le championnat canadien, en fait, qui avait lieu à UBC. Deux Patriotes participaient à cette course, nos deux Patriotes hommes. C'était le capitaine Marc-Antoine Senneville qui a terminé avec un temps de 33-25. Cette performance lui a valu la 75e position au niveau canadien et 11e au niveau québécois, donc une très très belle performance quand même. Son coéquipier Nicolas Gilbert a lui aussi très bien fait. Il a complété sa course en 33-56, donc une trentaine de secondes, un petit peu plus lent, ce qui le classe au 92e rang canadien et au 13e rang québécois. Donc, très très belle course de nos Patriotes. J'ai malheureusement pas les vainqueurs avec moi parce que le site... Il est pas à jour. Non, le site U-Sport n'ouvre pas ce matin. Ah, OK. Ah. C'est pire. C'est très très plaisant. C'est pire que pas à jour. Je sais pas, non. Ben, que pas à jour serait pire. Bref. Je sais pas. Ouais. Donc, c'est ça, des belles performances de nos Patriotes cette fin de semaine qui nous ont représentés à merveille. Tout de même. Ouais. Tu sais, 11e et 13e position dans un classement, dans un championnat provincial comme ça, assez relevé. Ça c'est sûr, 75e au Canada, mais 75e sur combien? C'est ça, il y en a beaucoup, là. C'est ça, c'est pas juste 100 coureurs, là. Il y a plus que 100 coureurs, donc quand même des belles performances. Super. Donc, on arrive... Oh! au moment où c'est le bout où on parle les Olympiques. Oui, parce qu'on le sait, les Olympiques, ça s'en vient vite. Oui, dans une dizaine de semaines. Là. C'est ça. Exactement, là, j'ai pas la date exacte, mais c'est. Tania, compte les jours jusqu'à Noël, je pensais que tu comptais les jours jusqu'aux Olympiques. Quand même. Jusqu'aux Olympiques. Ben, je sais que c'est début février, puis c'est ça. La Ligue nationale ne va pas au. C'est tout ce que tu retiens de ça. La Ligue nationale va pas aux Olympiques. Non, mais c'est ce que le monde retient, puis moi, en fait, je m'en fous un peu. Bon. Parce que. Mais tu le dis à chaque fois. Ben, je le dis à chaque fois parce que je trouve ça drôle, parce que le monde, ça les trigger. C'est comme ironique un petit peu. Hein. Oui. Non, mais je pense que ça va aussi intriguer les gens à savoir qui. En fait, c'est ça qui est plus intriguant. C'est quoi l'équipe que Team Canada va monter? Et en fait, le tournoi olympique, il prend peut-être un petit peu d'intérêt à ce niveau-là parce que c'est le fun de voir les meilleurs joueurs au monde. C'est pas ça le point. Sauf que on met tellement d'accent sur ce tournoi-là qu'à un moment donné, je décroche. Il y a tellement... c'est les Olympiques, c'est les meilleurs. On me parle juste de hockey. À un moment donné, je décroche, là. Il y a plein d'autres sports, puis c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. T'sais. Tu nous parles de quoi? De quoi? Mais depuis le début, on parle de ski, de ski. De neige, là. Hein? Pourquoi on changerait? On parle encore de ski. Hey! Bon, ce matin, je vais parler de le ski acrobatique. Et le ski acrobatique est une discipline qui englobe quand même beaucoup de sports. On englobe 5 sports au total. Il y a les bosses. Mm-hmm. Donc, ça, où on voit Alexandre Bledo était dans cette catégorie-là. Michael Kingsbury, qui a un très grand espoir de médaille. Excellent. Probablement médaille d'or pour lui. En fait, il s'est fait voler la médaille d'or en 2014 à Sochi par Alexandre Bledo. Je sais pas si vous aviez vu la descente. Ouais, c'était phénoménal. Il y a le saut acrobatique qui est assez impressionnant. Les gars, ils partent d'une bonne hauteur. Ils se donnent une descente. Il y a un jump, un saut. Ils font des vrais, des flips, tout ça. C'est assez impressionnant aussi à voir. Et après ça, ils tombent sur les skis. Je comprends pas comment, après 3 vrilles et 3 front flips, t'es capable de tomber sur tes skis, mais ça, c'est une autre histoire. Des années de pratique. Ah, probablement. Puis c'est intéressant aussi de voir comment ils pratiquent durant l'été. Ils se lancent d'une plateforme de lancement et tombent dans un lac. Ouais. Aussi simple que ça. Donc, ils peuvent pratiquer même en été. Donc, c'est assez impressionnant. Il y a le ski cross aussi, qu'on rentre dans le ski acrobatique. Pour moi, c'est pas tant du ski acrobatique, mais ça rentre dans cette compétition-là. Il y a le half-pipe de ski, autant du côté homme et femme. Et il y a une nouvelle épreuve qui est arrivée à Sochi, le slopestyle. Mm-hmm. Donc, je vais commencer rapidement avec les bosses. Les bosses, c'est quand même très, très technique. Je sais pas si vous faites du ski en hiver. Non. En fait, souvent dans les stations de ski, ils ont une piste de bosses, tout ça. Ouais. C'est excessivement difficile à faire. C'est très, très technique. Il faut travailler beaucoup des genoux. Et dans la descente, ils évaluent 3 choses. D'abord, ils évaluent comment chaque skieur font les bosses, donc réussissent à prendre les bosses. Leur mouvement, la technique, tout ça est évalué. Ensuite, leur saut, parce qu'il y a 2 sauts dans la descente. Donc, la qualité de leur saut, la difficulté du saut, tout ça est évalué. Et finalement, le temps général. Donc, meilleur est le temps, meilleurs sont les points. Ça vaut pour quand même 25% de la note. Donc, c'est non négligeable, tout ça. C'est 25% pour les virages, donc toutes les bosses, 50% des sauts et 25% le temps. Donc, faut pas négliger quelque chose parce que des points, ça peut partir assez vite. Ouais. Et des fois, ça joue à 0.2, 0.3 points. Ouais. Une place sur un podium et une 4e position. Et l'atterrissage aussi est vraiment important dans ça. Là. T'as dit 25 plus 50, c'est 75% complètement subjectif de la part des juges. Oui. Pas mal. Le reste, le temps, c'est du temps. Mais ça reste subjectif, mais tu le vois, là, ceux qui ont une meilleure technique, habituellement, sont plus rapides de toute façon. Mm-hmm. C'est subjectif, mais en même temps, ça l'est pas trop. Là. C'est une des disciplines, à mon avis, qui est très, très bien jugée. C'est assez clair qu'il est meilleur. C'est ça. T'sais, Alexandre Bilodeau, je pense qu'il y a personne qui aurait pu ostiner la décision des juges de la façon qu'il avait pris une descente. Seul point négatif, peut-être, de cette épreuve-là, que je trouve plate, c'est que ils ont comme demi-finale, finale et super finale. Donc, ils éliminent au fur et à mesure. Et chaque course précédente ne compte pas. Donc, si tu as une super demi-finale, une super finale, mais que ta super finale est ordinaire, ben, just too bad. Mm. Donc c'est ça. Saut, c'est un peu comme le ski acrobatique avec les boss, sauf que y a pas de boss, y a pas de temps, c'est juste le saut, donc toute la note va là-dessus. Il y a le ski cross, autant chez les hommes que chez les femmes. C'est une compétition qui est assez intéressante. Vous connaissez sûrement le Red Bull Crash Ice. Ben oui. Ice Cross Downhill, le vrai nom du sport. C'est un peu le même genre de principe, mais en ski. Okay. Donc, ils sont 4 sur la piste à descendre, 4 à 6, à descendre en même temps sur une piste enneigée. Donc, il y a un peu de bousculade, un peu de tiraillage, et au final, le premier qui arrive en bas gagne. le half-pipe, bon, tout le monde connaît ça un peu, le half-pipe. Une question de temps, une question de... des manœuvres faites. Et le slopestyle, je vais terminer rapidement avec ça, c'est une piste où il y a plusieurs sauts, des gros sauts, des rails, donc ils doivent faire un peu de freestyle, descendre avec les meilleurs mouvements possibles. Et ça, c'est une épreuve qui nous arrive des X Games, qui était très très populaire, donc ils ont ajouté ça aux Jeux Olympiques d'hiver. On s'adapte. Oui. Mais pas le choix. C'est pas le choix à l'envie. Hein. Bonne preuve de l'adaptation, Tokyo va avoir des e-sports. Et oui, j'ai vu ça. On va suivre ça, on va en reparler, j'imagine, à un moment donné. Ça, éventuellement. Éventuellement. Marc-Olivier Dumas, on suit les Olympiques et on suit les sports chaque semaine dans Sport Effiloché. C'est mardi matin à partir de 9h30. Merci. Nous, on termine l'émission. On dit merci à Dominique Nadmavungu qui a fait Voix d'Afrique à 8h30. Jimmy Thibodeau. Mm-hmm. Et Marc-Olivier Dumas qui vient juste de faire la sienne. Demain à l'émission, mercredi, Sébastien Evgartin va être là pour le bulletin Evgartin. Ensuite, David Ferron pour la chronique du Zone Campus. Puis à 9h, Gabriel Bud ne sera pas là, mais on va avoir un remplaçant si tout va bien pour dans les coulisses de la Luître. Donc, c'est demain entre 7h et 10h sur nos ondes plus tard aujourd'hui. Dans quelques heures, 3 heures, ça va être la rediffusion de Rock de Neurone. Ensuite, à 15h, c'est dans ta face. 16h, les postes sortables. 19h, réanimation. 21h, matière noire. Nous, on se retrouve demain matin. C'est tout. Juste demain. Pas plus tard aujourd'hui. Demain non, à demain. 7h. Exactement. Et pas les palmarès. Une bonne journée. Bon café, tout le monde. Moi, j'ai rien dit. Notez que j'ai rien dit. J'attends le communiqué de presse. Exactement.